Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Podcastination, les intermittents du podcast. Donc nous avions terminé sur une première partie riche sur le podcast de la Wii. Nous allons cette fois entamer la deuxième partie d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La troisième. Oui, voilà, c'est une partie. Une partie, parmi tant d'autres, sur la Wii, sur la console. La Wii sur partie. La Wii, ah. Oh là là, ça commence bien. Ça sera à couper. Ouais, non, ce sera pas coupé du tout. Non. Donc nous avions parlé de la Wii, de la naissance de la Wii, également des premiers jeux, on les avait classés par année. Donc depuis 2006, on avait parlé donc de Twilight Princess, 2007, où on avait vu, qui avait vu la sortie de, notamment de Mario Striker, de Super Paper Mario, de Super Mario Galaxy. 2008 aussi, avec Zack & Wiki, avec No More Heroes, avec Okami également. Eh bien, nous allons désormais... Et Super Smash Bros. Brawl aussi. Et Super Smash Bros. Brawl. Je sais que Toon le pensait fortement, donc il te l'a fait dire, hein, pardon. J'y ai joué ce week-end, c'est pour ça. Donc nous allons enchaîner sur l'année 2009 avec le premier jeu, on va dire, d'envergure qui est sorti au mois de février, c'est The House of the Dead Overkill. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Il y en a qui ont joué, qui ont testé. Ouais. J'y ai joué un peu aussi, ouais. Moi je l'ai fait. Je n'ai pas joué. Avec une ambiance très très pulp, très Tarantino. Du truc bien badass avec des insultes partout. D'ailleurs, il avait un record pour ça. C'est le record du plus grand nombre de fuck dans un jeu. Sur un jeu, oui, donc sur une console oui. Nintendo. Oui, c'est un paradoxe assez rigolo. Ouais. Tout à fait, ouais, non mais. Ah, ils se sont lâchés dessus de toute façon. Non, mais c'était des fucks pour gamins. En plus, il sortait, je crois qu'il est sorti à peu près à la même période que Mad World. Ça faisait deux jeux bien gore et bien adultes sortis à peu près en même temps sur une console. Avec des parties pris, d'ailleurs, on parlera de Mad World un peu plus tard, mais avec des parties pris graphiques House of the Dead, il n'était pas, enfin, graphiquement, il n'était pas extra. Moi, je l'ai fait récemment, donc il a un petit peu vieilli. T'avais un rendu au niveau de la, au niveau de l'image un peu vieilli. Ouais, il y avait un filtre un peu dégueulasse. Le rendu Grindhouse, quoi. Voilà. Ah ouais, c'était l'époque du Grindhouse. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, la pochette, tu vois direct que c'est inspiré de tout ce qui est toute l'imagerie Grindhouse avec des filtres granuleux bien dégueulasses et. Ouais. Mais du coup, on s'éloigne des House of the Dead premiers du genre, ceux sur arcade et qui ont été portés d'ailleurs par la suite sur Wii. Après, ça reste du rail shooter bien foutu, assez court, et essentiellement basé sur le scoring de toute façon. Oui, de toute façon, c'est dans le haut du panier du rail shooter. Hein, ouais. Avec pas mal d'armes à débloquer, enfin pas mal d'armes, quelques armes à débloquer, des galeries d'images, des trucs comme ça. C'est super efficace, hein, c'est du bon rail shooter, mais voilà, faut aimer le genre. Il y en a beaucoup sur Wii et House of the Dead fait partie des meilleurs. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler vite fait, quand on parle de The House of the Dead, des accessoires qui étaient vendus. Ouais. Donc, pas forcément spécifiquement pour le jeu, mais t'avais donc. Le Wii Zapper. Et en fait, ils en ont vendu plein. Des trucs comme ça, des guns en plastique et tout. Donc c'était juste des bouts de plastique tu foutais ta Wiimote et ton nunchuk ou pas dedans et oui, ça te faisait oui, parce un fait, flingue. T'avais la Wiimote qui faisait office de cylindre pour le fusil, c'était ton pointeur, et tu avais donc le nunchuk qui était placé juste derrière un peu comme on voyait sur la crosse quoi. Voilà, comme la croix voilà, au niveau de la crosse. Le truc, c'était un bout de plastique, ça apportait pas énormément, enfin ça apportait rien, à part un peu plus de stabilité. Mais le Wii Zapper était vraiment nul. Et par contre, t'avais le flingue qui était vendu avec Ghost Quad, donc un autre rail shooter de Sega qui était très bien lui aussi. Il était vendu avec un autre bout de plastique, je sais plus comment ça s'appelait. qui était un accessoire Sega, et lui, il était beaucoup mieux foutu. Déjà, il était plus facile à installer. Le Louis Zapper, c'était un peu la merde. C'est normal, Sega. Voilà. Voilà. Non, mais ouais, mais clairement, il était vraiment ouais, pratique et il t'apportait quand même une stabilité, une réelle stabilité en plus, quoi. Parce qu'il fallait pouvoir caser le fil qui reliait le Nunchuk à la télécommande. Donc voilà. Voilà, je pense on a fait le tour sur The House of the Dead. On n'a pas forcément plus joué. Il a été porté après par la suite sur console sur HD. Sur PS3, ouais. Sur PS3 ouais. Et 3.6, il me semble. 3.6, c'est sûr. 3.6, j'ai un doute. Je sais que sur PS3, je sais. PS3, oui, mais sur 360, il n'y avait pas l'accès. 3.6, j'ai un doute. Ah ouais, parce qu'il est jouable move, en fait, sur PS3. Ouais, c'est ça, tout à fait. Kinect. Kinect, c'est compliqué. Alors on va passer maintenant sur les Chevaliers de Baphomet. Ah ouais, voilà. Voilà. C'est un vrai jeu, ça. Excellente série. Genre c'était des faux jeux avant. Non. C'est vrai qu'à côté, franchement, les Chevaliers de Baphomet par rapport à Super Smash Bros, il n'y a pas. Ah non, oui, ça c'est autre chose, monsieur. C'est comment dire, c'est. Et je parle pas d'Animal Crossing, quoi. Mais bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que c'est un de mes premiers gros point and click, en fait, que j'ai fait. Je l'ai fait à l'époque sur PC. Et, bon, c'était donc, beau. Donc, ouais, c'est un de mes premiers point and click et je l'aime beaucoup, ouais. George Stobart. George Stobart. Avec la voix d'Emmanuel Curiel, quand même, qui est en vrai plus. Donc, le jeu, c'était développé par. Révolution, il me semble, à l'époque. Révolution. Après, je sais pas si c'est un autre studio. Faut comprendre aussi que la version Wii, c'est un remake en fait du premier épisode. Donc les Chevaliers de Quetzalcoatl. C'est une version Director's Cut, c'est ça, je crois. Voilà, exactement. Ouais, mais ils en ont profité pour rajouter un chapitre et refaire les graphismes dans la volée. Vous y avez joué sur la version Wii Moi, non. J'ai joué qu'à la version. J'ai joué qu'à la version PC. La version PC, ouais. Antoine, c'est pareil? Pareil. Mais bon, ça reste un très bon jeu. Je pense que avec la Wiimote, en plus, ça doit être. On se rapproche de l'ergonomie de la souris. Oui, parce que tu prends directement l'écran et c'est vrai que t'as une facilité pour te déplacer au niveau de l'écran qui est appréciable par rapport à une manette traditionnelle. Exact. Alors, on parlait donc des jeux Sega. Sega. Donc sur Mega Drive 2009, donc on a évoqué donc The House of the Dead. Je vous propose de parler de Mad World, qui est sorti également au cours du premier trimestre 2009. Donc Mad World, donc c'était ce jeu ultra bourrin. Donc on parlait d'un parti pris graphique pour The House of the Dead. Là c'était pareil parce que le jeu était en noir et blanc. Donc ce qui ouais, là c'est encore plus poussé que encore plus évident. Là ça fait à la Sin City en voilà, fait. Exactement. Oui, voilà exactement. En plus gras quand même au niveau du trait et tout, c'est plus ça fait plus comics que Sin City, même si c'est ça ouais, parce qu'il y a City, c'est quand même très, c'est qui a fait les... un comics à la base mais qui a fait l'art design, c'est sûr. Hein. Mais ouais, ça fait c'est le un trait plus épais quoi. C'est quoi le principe du jeu? Le principe du jeu, c'est on plante des panneaux dans la tête des ennemis. En fait, non. Alors, t'as un ennemi en qui fait, arrive, tu lui pètes la gueule. C'est un gros beat'em all. Alors le pitch vite fait, c'est Jack qui débarque sur une île, qui est une île en fait de télé-réalité où tout le monde se bute. C'est un peu comme dans Manhunt où là c'est le Deathwatch je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est un jeu de télé-réalité où les gens se butent et voilà, donc ça fait marrer les gens. Et donc ça se passe sur une île et donc t'as Jack qui débarque là-dedans. Donc le type il a des gros bras, il a une tronçonneuse à une main, un peu comme la lame de Dio, sauf que lui c'est une tronçonneuse. Normal. Voilà, normal. Et donc il va participer à ce jeu, mais avec donc le scénario, c'est pas juste juste ça. Il y a un peu de développement derrière, où c'est un peu une critique de la télé-réalité et tout. C'est un peu plus subtil, on va dire. Et donc il débarque là-dedans pour buter tout le monde. Et donc on incarne Jack. Qui doit alors voilà, c'est du gros beat'em all mais à scoring, c'est-à-dire qu'en fait t'as des grandes zones, t'as une grande aire de jeu, chaque niveau est une grande aire de jeu dans lequel tu vas devoir trouver des spots ou faire des gros combos. Et les combos, ça va être genre, tu tabasses un mec, tu lui plantes un panneau que tu as ramassé par terre dans le crâne, tu l'envoies dans une déchiqueteuse. Il y a plein de poésie, ce jeu. Un jeu de poète, voilà, j'allais le dire. Ah non, pas mal de possibilités différentes. Tout est jouable, les mouvements se font à la Wiimote. C'est-à-dire tu plantes ton panneau, c'est comme si tu plantais, enfin tu fais le mouvement avec la Wiimote, quoi. Ah oui, Maintenant, d'accord. vous savez à quoi jouer Toon-Toon quand il a eu une journée de merde. Voilà. Ouais, non, mais alors c'est vrai que c'est un super défouloir, mais alors par contre il est un poil répétitif. Enfin voilà, c'est du scoring, donc si on n'accroche pas, C'est compliqué, ouais. ça le fait pas. Et il est relativement court, puisque bon, il se finit en un Call of Duty. Ouais, c'est une Voilà, maintenant il a une unité de temps, c'est le 1 l'unité de Call of mesure Duty. exacte. L'unité de mesure, ouais. Et non, il est vraiment très très sympa. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est façon Sin City, c'est-à-dire tout en noir et blanc, sauf le rouge, donc le sang qui apparaît en rouge, et le jaune aussi qui apparaît, avec des gros. Ton score qui apparaît façon comics, t'as les bruits, enfin les bruitages aussi qui sont écrits, des choses comme ça. On peut dire qu'il est développé par Platinum Games aussi. Exact. Ouais. Et que Platinum Jack Games. se retrouve va se retrouver dans Anarchy Reigns. Enfin, il s'y retrouve déjà, Ouais. mais voilà, il Qui sera dans. sortira peut-être un jour chez nous. Peut-être un jour. Peut-être, ouais. Mais vu que le Mais jeu habite au Japon. je me Il habite souviens un peu maintenant. partout, hein. Maintenant, on trouve. Enfin, Mad World, on trouve, mais Ouais. super Mad World, Oui, bradé, tu mais. à 5 euros, tu l'as facile. Bah, le problème, c'est qu'il a pas du tout, il a finalement pas fonctionné, quoi. Ils ont fait des Bah, paris. en même temps, enfin voilà, c'est un jeu de niche. Enfin voilà, C'est un jeu Platinum c'est un Game, quoi. beat'em all à scoring en noir et blanc. Il a quand même eu sa campagne de pub avec Jérôme Le Banner, s'il vous Ouais. plaît. C'est vrai, Moi, c'est je me vrai. En souviens, France, ouais. justement, ça m'avait marqué à l'époque, c'était le jeu avait été quand même bien poussé par Sega, avec des petites Poussé vidéos par avec deux Nintendo, mais présentateurs qui expliquaient le fonctionnement le principe du jeu. ouais. Ils avaient fait un marketing autour de ça, en fait, autour du jeu dans le jeu. Donc la télé-réalité et tout. Ils avaient pris deux commentateurs qui commentaient justement les vidéos un peu à la Asjus et Chéreau sur le Simplement deux. voilà Pardon. pour le catch chez nous. Et c'était assez assez assez drôle la façon dont c'était présenté. Mais enfin c'est vrai que ça a pas très bien marché. Enfin ça a pas pris ce marketing. Et juste pour donc Gallium, tu disais que c'était Platinum Games. Et je rajouterais que c'est Inaba qui a produit le jeu. Et D'accord. Inaba c'est Okami, c'est Steel Battalion, c'est plein de jeux un peu Très très bon déments. jeu, ouais. Ouais, Et le c'est super cool. ah, il a une idée, en fait, il a une idée et il va jusqu'au bout, il s'en fout si ça se plante ou pas, et il va jusqu'au bout, et là c'est ce qu'il a fait avec Mad World. Et il a très bien fait. Je vous D'accord, Albert. propose de découvrir donc le prochain jeu qui est Little King Story. Et là je pense que déjà Ah vous oui. avez On bien laisse avancé. Toon-Toon, là, je crois. Là, je Merde, pense que je viens de c'est parler. ton heure à toi, Toon. Là, je pense que Alors. c'est One Man Show. Explique-nous Vas-y. donc, explique-nous qu'est-ce qu'il a d'intéressant et d'aguichant ce jeu. Comment je pourrais dire Par ça? quoi Parce qu'en commencer? fait, c'est un jeu qui mélange plusieurs genres et c'est pas facile à expliquer en fait. Donc c'est un jeu Vas-y, on qui a 3 mélange, heures. c'est un jeu qui mélange comment on peut appeler ça, un mini RTS un peu à la Pikmin. Un peu de stratégie temps réel où t'as tes petits bonhommes qui te suivent et puis pour attaquer, tu les envoies un par un sur l'ennemi. Donc là, Donc ils ont chacun leur spécialité, hein, c'est ça? voilà, qu'ont chacun leur spécialité. Par exemple, t'as des bûcherons que tu vas envoyer pour couper des troncs d'arbres qui sont au milieu de la route ou pour tabasser un peu plus fort des ennemis. T'as des simples paysans, t'as des soldats, t'as un cuisinier par exemple T'as des que tu vas bâtisseurs. envoyer sur des poules pour les battre d'un coup. Le chien. De normal. Et puis, enfin, t'as plein de classes comme ça qui s'adaptent selon les ennemis et selon les embûches que tu trouves, que t'auras pendant ton exploration qui vont Parce bloquer le chemin. qu'en fait, tu es le roi de ton royaume. Alors, Et... ouais. En fait, au début, c'est un gamin qui est dans sa chambre et puis qui est en train de jouer dans sa chambre et il voit des souris passer à travers un trou et il va les suivre dans ce trou. Bon, je sais pas comment il fait pour passer, mais il passe. C'est Et magique. il arrive dans un monde, dans un monde, on va pas dire imaginaire puisqu'il y vit, mais il arrive dans un monde totalement différent, etc. Où il y a un vieux avec une grande moustache façon Don Quichotte sur une vache qui débarque et il te montre Logique. et tu découvres une couronne. Tu mets la couronne et tu deviens roi du royaume. Voilà. Seulement c'est Et si simple dans la vie. voilà, ça serait bien, ça serait bien. Et en fait, ton royaume, bah, il vient de se faire pas détruire, mais il est réduit à une petite ferme. Ça, c'est pas cool. Et un cabanon qui est ton château. Et donc le but, ça va être de reconquérir tout ton royaume. Et donc pour ça, tu vas devoir traverser d'autres royaumes, enfin des ennemis qui ont conquéri ton royaume pour en faire le leur. Et tu vas devoir vaincre chaque boss, chaque roi différent. Et donc si je dis pas de bêtises, il y en a 9 des royaumes. Et ces 9-là, alors il y a beaucoup d'exploration. Chaque jour, tu vas avoir des nouvelles missions, des choses comme ça, que le peuple te proposera. T'as le côté RTS, comme j'ai expliqué, qui est très proche de Pikmin pour les combats. Et t'as un côté gestion pour agrandir ton royaume, récupérer des ressources, etc. Donc tout ça, c'est très light en fait, chacun dans son domaine. Mais mis ensemble, c'est très bien combiné. Et ça en fait un jeu vachement long et vachement riche parce que t'as plein plein de choses à faire. T'as plein de petites sous-quêtes qui viennent se greffer à la trame principale. Par exemple, t'as le truc des princesses, c'est-à-dire que pour chaque royaume, tu récupères une princesse. Donc au final, le roi, enfin toi, tu finis par avoir 7 femmes. Donc tu construis une annexe de ton château pour loger tes 7 femmes, et chacune va te proposer une quête fil rouge, on va dire, récupérer des objets à travers le royaume, des choses comme ça. Et en fait, plein plein de choses à faire dans ce jeu et en fait tu as des idées tout le temps. Par exemple, pour les rois, à chaque roi tu as un combat donc de boss, et à chaque fois ça va être une idée différente. Par exemple, il y en a un, c'est comment dire, il adore les pâtisseries, enfin c'est un goinfre, il est énorme et tout, il bouffe des pâtisseries tout le temps. Et en fait, la reine, ça va être un flipper où tu vas envoyer tes bonhommes et en même temps tu dois gérer le gars qui se met en boule et qui te roule dessus, etc. Un peu comme Odama sur GameCube, pour ceux qui se souviennent. Et Le jeu donc, au micro, c'est ça? le jeu au micro, ouais, où tu envoyais des troupes dans un flipper et enfin c'était un peu le gros bordel. Mais voilà, ça reprend un peu cette idée-là. T'as un truc, t'as un boss, c'est une sorte de QCM. Il y en a un, c'est des télés qui t'envoient dans diverses époques. Enfin, il y a des idées à chaque fois. C'est des idées excellentes. C'est toujours super fun à jouer. Et en fait, bah, en plus, le jeu graphiquement, c'est très enfantin. C'est une sorte de cel-shading. Avec des bonhommes, alors tes bonhommes ils sont en SD façon bah ouais, c'est des petits bonhommes quoi, donc c'est des miniatures, c'est super mignon et en fait ça contraste vraiment avec le ton du jeu qui est beaucoup plus adulte en fait enfin, il y a différents niveaux de lecture. Par exemple, le truc des 7 femmes, il y a des dialogues et tout qui sont assez marrants sur le fait que bah, sur la polygamie et trucs comme ça. Et t'as plein de sous-textes comme ça partout dans le jeu, et ça contraste vraiment avec le design du jeu et le enfin tout le toute l'esthétique du jeu. Alors, Ouais. juste un petit mot sur la musique. Ouais, bah justement, je voulais en parler. Non, bah parce que y a, en fait, on pourrait faire un podcast sur ce jeu. C'est beau, si je dis pas de bêtises, c'est le Boléro. Alors, en fait, ça reprend, c'est ça revisite des classiques de la musique classique, justement. Par exemple, le Boléro de Ravel ou alors je sais plus si je crois Carmina Burana ou des, enfin plein de classiques et ben ça s'adapte super bien à l'ambiance du jeu. Le truc le plus simple c'est de regarder l'intro du jeu qui est juste magnifique avec je sais plus c'est quelle musique mais avec voilà vous allez reconnaître. Mais c'est juste magnifique. En plus, les cinématiques, c'est un, il y a un filtre dessus, genre c'est peint au couteau. Et alors, ça donne un rendu superbe sur la cinématique de fin est magnifique, même si le boss est super dur. La cinématique de fin est superbe. Et il y a en fait, il y a bah, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de petits détails en fait, c'est tout sur ce jeu, tout se joue au détail, c'est-à-dire que par exemple tes personnages quand ils meurent pas vraiment, enfin pas tout de suite en tout cas, ils sont mis KO et le lendemain en fait tu les retrouves sur la plage à côté de ton village qui reviennent, tu peux marier, alors tu peux marier tes personnages en construisant une église et au bout d'un moment ils ont enfin tu peux leur faire avoir un gamin, les gamins ils vont te permettre après de par exemple monter aux arbres des trucs comme ça, il y a en fait c'est plein de petites idées qui sont enfin dit comme ça a l'air de rien mais le tout ensemble fait que c'est un jeu super riche et où tu découvres toujours plein de petites choses. Donc c'est un mélange, pour résumer, c'est un mélange de STR, de jeux de gestion, Ouais, c'est d'aventure. d'aventure Et de polygamie. et de polygamie et en fait c'est enfin voilà chaque partie est relativement light en fait mais le tout fait que bah c'est enfin pour moi en tout cas c'est le meilleur jeu de la Wii. C'est le meilleur jeu de la haute. Devant les Super Mario Galaxy, devant Super Smash Bros. Brawl. Ouais. Devant tout Le parce petit. que mais en fait ouais après c'est purement subjectif parce qu'il y a quand même des défauts, par exemple il y a des défauts de pathfinding où quand tu montes des escaliers bah toute ta troupe elle suit pas forcément, Comme ça, c'est inhérent, ça arrive souvent dans ce type de ouais mais style bah de là jeu, c'est quoi. vrai que c'est relativement chiant mais enfin même si tu mets tes bonhommes en file indienne ils te suivent parfaitement mais il y a quelques trucs comme ça au bout d'un moment le jeu est assez répétitif aussi parce que t'as les quêtes des villageois reviennent c'est un peu toujours la même chose etc donc il y a des défauts qui font que bah pour beaucoup de gens ça va pas être le jeu de la Wii. Mais pour moi, ça l'est parce que ça a été tellement une surprise et un titre que tu peux voir nulle part ailleurs, qui fait que bah clairement j'ai eu un gros coup de cœur pour Par ce jeu contre, quoi. il a souffert de la même chose que Mad World, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de succès. Alors, il a Ouais. eu un succès d'estime, ce qui a quand même été apprécié par les critiques. Il a Mais été très apprécié par les critiques, mais je crois qu'il a vendu 250 000 exemplaires ouais, dans le on le monde. retrouvait. Moi, Et sachant que, alors, il est sorti en premier en Europe, et il a mis un an et demi, je crois, à sortir au Japon. Un truc comme ça. Il a fait un bide complet au Japon, ce qui est normal en fait, puisque ça s'adressait pas à eux, Il c'est n'y avait pas le pas leur créateur du type jeu de jeu. justement qui en parlait, qui en parlait à l'époque, qui était super dégoûté, enfin que le jeu se vende pas, quoi. Si, bah d'ailleurs, en fait, ça a été édité par Marvelous Interactive Ça va. et ça a été édité par Sing, qui avait fait notamment, comment dire, Another Code sur DS. Entre autres, ils ont fait aussi beaucoup d'autres jeux, mais ça a été co-développé par Sing et Tone Factory. Et en fait, Sing, pas long, un an après, je crois, ils ont fermé parce que Little King Stories n'était pas vendu, Another Code n'était pas vendu. Enfin, il y avait une grosse partie de leur projet avait fait un bide. L'enchaînement, oui. Voilà. Et donc ils ont fini par fermer. Mais oui, ça a été une grosse déconvenue, même si forcément en sortant un jeu comme ça sur Wii à une époque où elle n'est pas vraiment appréciée. de la cible qui pourrait acheter ce jeu, forcément ça se plante, quoi. D'ailleurs, et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, tu parles de bide, mais il faut savoir qu'il y a eu une version de Little King Story sur PS Vita. Ouais, il y a eu un New Little King Story sur Vita qui est sorti au mois de septembre. Ouais. Et en fait, ça reprend grosso modo le premier avec un nouveau design. En fait, l'histoire, c'est 7 ans après, je crois. Donc, il est adolescent, ils ont changé le design qui est pas très joli, je trouve. Ils ont apporté quelques nouveautés, notamment par rapport aux 7 princesses. Et ça a fait un bide. Alors, je sais pas du tout. Si, il me semble que ça a pas tellement vendu, il me semble. Je sais pas du tout les chiffres, mais ça m'étonnerait pas. Bah, en même temps, sur Vita. En même temps. Après, le jeu souffrait de quelques défauts qui sont. Enfin, parce que ça a été développé par une équipe, c'est Feel Good qui l'a développé, c'est ceux qui ont développé The Last Story. Et c'est Konami qui a The Last Story, Lost Odyssey sur 360. Comment ? Feel Plus, je veux dire, pas Feel Good. Oui, Feel Plus. Ouais, j'ai confondu avec Good Feel, un autre développeur. Feel Plus sont pas réputés pour faire des versions très très propres de leur jeu. D'ailleurs, c'est eux qui avaient développé No More Heroes Paradise, qui était Using a bug sur. Voilà. Édité par Konami ce coup-ci. Et c'est édité par Konami. Le jeu il reste très bon. Ça reste une version très proche du jeu sur Wii, donc forcément il est excellent. Mais après, il souffre de grosses baisses de framerate qu'on pouvait pardonner peut-être à la Wii. Enfin, le public acheteur à l'époque pouvait plus le pardonner que le public qui l'achèterait sur PS Vita, je pense. D'accord. D'ailleurs, pour information, le jeu sur Little King Story sur Wii, on le trouvait encore l'année dernière en neuf à 7€ dans certains magasins. Ouais, ouais, mais alors, maintenant c'est plus difficile de trouver parce que les gens ont entendu parler, il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Et maintenant il est plus difficilement trouvable et les prix ont réaugmenté. Très bien. Malheureusement. Je vous propose de parler d'un autre jeu. On va changer totalement de sujet, puisqu'on va parler de Grand Chelem Tennis. Ah. Donc c'est un jeu édité par EA, donc qui reprenait évidemment le principe du jeu de tennis, forcément. Alors il me semble que c'est un des premiers jeux à utiliser le Wii Motion Plus. Qui devait mettre en avant le Wii Motion c'est Plus. C'est le premier jeu. Avant Wii Sport Resort dont on va vous parler un peu plus tard. Bah, il est même sorti avant le Wii Motion Plus, il me semble. Oui, il est sorti au mois de juin et il est sorti directement en pack, il me semble. En pack, oui, ouais. Donc il est sorti, le Motion Plus est sorti pour ce jeu. Alors, je me souviens, alors personnellement j'y ai pas joué, mais c'est pareil, je me souviens de gens qui avaient été agréablement surpris. Bon, déjà découvrir le Wii Motion Plus qui a apporté quand même un peu plus de précision niveau de. Disons que c'est le jour et la nuit entre Wii Tennis et Grand Chelem Tennis. Ah, hein. Oui, ouais. C'est-à-dire que Wii Tennis de Wii Sport en même temps, à part revers coup droit et. C'était pas du top spin quoi. Oui, voilà. Ah bah non, ça c'est sûr. Non, clairement. Fallait pas demander du top spin en même temps, hein, Wii Tennis. Non, bien sûr. Et en plus, il arborait un graphisme assez. C'est un design un peu cartoon. C'était pas cel shading, mais c'était un peu cartoon. F1 Race qui est sorti en cette fin d'année sur les consoles HD. Où on retrouve un peu ce côté. Le Super Mario Kart du F1, de la F1. Ouais, voilà. Mais. Non, on retrouve un peu ce côté cel shading, un peu cartoon, un peu SD même. Au niveau des personnages, donc ce sont des personnages pas tout à fait SD mais pas SD, cartoon, non. Ouais, c'est non, ils étaient plus longiligne que SD. Bah ça, ils étaient toujours reconnaissables les tennisman, mais c'est plus ce style graphique qui tennisman. Était tennisman. C'est comme les X-Men, voilà. Ouais. Mais non, mais ils étaient en cel shading, mais c'était quand même entre guillemets réaliste quoi, je veux dire, ils étaient pas avec des grosses têtes Oui, voilà, oui, Non, alors oui. enfin, ils étaient dans des proportions relativement correctes. Mais Voilà. ça s'adaptait bien en fait à la Wii qui est, où faire du style réaliste, c'était quand même pas ce qu'il y a de plus simple, surtout quand c'était un jeu à petit budget comme Grand Chelem Tennis. Et du coup, ils ont bien adapté. Mais le vrai intérêt du jeu, oui, c'est clairement dans la jouabilité. Qui se fait Wiimote, Wiimotion Plus, qui se fait avec un Nunchuk d'ailleurs pour la meilleure jouabilité. Et là, enfin, ça apporte vraiment des sensations différentes et quelque chose de nouveau dans le jeu de tennis, de faire les gestes soi-même et qu'ils soient réellement pris en compte parce que les effets et tout sont vraiment pas mal gérés dans le jeu. Et il y avait une vraie profondeur du gameplay, une vraie précision dans le mouvement, etc. Il faisait que pour ça, c'était un très bon jeu. Après, il manquait de mode de jeu, il manquait de pas mal de choses. Mais dans la jouabilité, clairement, c'est un très bon jeu. Et d'ailleurs, il avait été pas mal acclamé à l'époque là-dessus. Grand Chelem Tennis, édité par EA. La rare jeu Exact. d'ailleurs de sport d'EA. Ça doit être la seule exclu liée sur avec Dead Space Extraction sur Wii. À cette époque, ouais. Ouais. Ici, ils ont fait Boomblocks Boomblocks aussi. aussi en Oui, 2008. Boomblocks aussi, oui. Enfin, ils Et ont pas non plus non, misé ils ont. totalement sur... Enfin, Ah voilà. bah non, ils ont rien. Enfin voilà. Le peu de jeux qu'ils ont produits, c'était des très bons jeux, mais c'était des jeux. Qui n'était pas voué à faire un carton monumental, quoi. Alors, tu parles de carton. Oh là là, sur la Transition. transition. Transition avec un jeu non pas. C'est magnifique cette Charclave. transition. Ouais. Non Elle est pas un jeu en magique. carton, mais un jeu qui avait comme accessoire un carton. Puisque c'est Let's Tape. Donc un jeu développé par Yuji Naka. Ouais, avec son studio propre. Donc le papa de Sonic, en tout cas qui a travaillé sur de nombreux Sonic. Et donc il a proposé un peu cet ovni, on va dire, sur le principe, puisque Let's Tape, donc, comme son nom l'indique, finalement on comprend tout de suite le principe de jeu, c'est-à-dire qu'on avait des mini-jeux. Et pour jouer, donc pour avancer dans le jeu, en fait, il fallait poser sa télécommande sur un carton. Donc Ouais. le carton était Était proposé, fourni était fourni dans avec le un jeu. pack, enfin dans un pack. Était oui en pack avec mais bon n'importe quel carton fonctionnait, tu prends une boîte à Fonctionnait, chaussures, ça marche. très bien. Donc c'était assez innovant dans le sens où on n'a plus la manette en main, où en fait on se sert Bah, des c'était une nouvelle totalement nouvelle utilisation une nouvelle façon de jouer. Non mais c'est ça, c'est quelque chose que personne n'avait fait encore sur Wii. Et c'est dommage que ça ait été plus exploité. Après, je pense qu'il y a un problème aussi de précision et de comment dire de profondeur enfin il n'y avait pas grand-chose à faire non plus avec la Wiimote, quoi. On tape à gauche, on tape à droite, on tape les deux en même temps, enfin il n'y a pas énormément de choses. Mais c'était réellement quelque chose de totalement neuf sur la Wii on n'avait jamais vu et peu de personnes s'étaient dit ah bah tiens si on foutait la Wiimote comme ça et qu'on tapait sur le carton voilà Ouais, bon, après, c'est pas non plus un jeu d'envergure, mais non c'est quand c'est même alors un. c'est Si, après particulièrement. c'est le Wii Sports de cette façon de jouer Le Wii et ça a Sport du été carton. du carton voilà exactement. Ah, cette Non mais comparaison. c'est enfin voilà le jeu les mini-jeux proposés dedans sont pas extra hein. Tu joues vite fait tu t'amuses vite fait avec deux trois potes et puis tu le ranges mais moi je trouvais l'idée vraiment sympa et je trouve un peu dommage que ça n'a pas été Non, mais réexploité c'est par la marrant, j'ai suite. jamais entendu parler de ce jeu. Enfin, que ce Bah, il est soit sorti en enfin il est catimini. sorti dans Oh, il est l'anonymat sorti hein. vraiment confidentiellement. Hein. Non, parce que tu me parles de Yuji Naka, enfin, ouais, je veux dire, c'est quand même un sacré nom, quoi, et Ah mais je n'ai si tu jamais entendu savais parler de ce jeu. les jeux qu'il avait fait enfin depuis qu'il a C'est quitté pas lui qui a Sega fait Ikki the Wiki, si là? Ivy the Wiki c'est lui qui l'a fait et il y a un autre Effectivement. jeu qui devait sortir sur Wii et 3DS Rodeas Kai je sais plus quoi était un jeu qui avait l'air vraiment sympa et qui jouait, enfin, qui a été pensé pour être joué à la Wiimote. C'était un jeu d'action qui jouait à la Wiimote seul et qui a pas trouvé d'éditeur. Donc bah, pour l'instant, il est un peu aux oubliettes et j'espère qu'il va ressortir parce qu'il avait l'air vraiment bien comme jeu. Alors on va passer maintenant sur le deuxième volet de Wii Sports, c'est-à-dire Wii Sports Resort, qui lui du coup, bah, à la manière de, à l'image de Grand Chelem Tennis, utilise le Wii Motion Plus. Donc le Wii Motion Plus, pour expliquer, en fait, c'est un petit bloc que l'on branchait sous la télécommande et qui permettait d'optimiser, de préciser La précision, ouais. les actions qu'on allait faire avec la Par télécommande. ajouter un accéléromètre et un gyroscope. Voilà. Et augmenter la précision Ça fait un peu de la penser, tu sais, ça manette. fait penser c'était sur 64, c'était le Rumble Rumble Pack, Pack. ouais, que l'on mettait à l'avant pour booster Non, c'était Ah non, l'expansion ça pack, tu c'est veux dire. ouais, oui, c'est L'expansion l'extension pack, ouais, pack. expansion Pardon, oui. pack. Un L'expansion truc pack. de RAM en plus. Voilà, pour améliorer les conditions de jeu, en tout cas pour faire, surtout sur la fin de la console, c'était pour permettre de jouer à certains jeux, puisque sans, on ne pouvait pas y jouer. Oh oui. Oh oui. On ferme la parenthèse. Alors, Wii Sport Resort, certains y ont joué ou pas? Oui. Non. Non plus. Alors, j'ai dit, ouais, vas-y, Antoine. Ça fait chier tout le monde Non, que je c'est-à-dire que continue à non, parler. non, Tu fais pas 30 minutes. j'ai joué, mais j'ai beaucoup apprécié, notamment le tir à l'arc. Bah, vas-y, parle-en du coup, si tu l'as fait, ça. L'arc, Tir c'est à le nouvel l'arc, accessoire à la alors, mode dans les il y jeux avait vidéo. plusieurs. Alors, j'ai plus exactement les disciplines qui étaient Il y avait disponibles sur le jeu. 12 épreuves. Il y avait du sabre, du canoë, il y avait du basket, il y avait du. La bataille là avec Un... les bouchons là, Ah oui, la exact, bataille de bouchons. les cotons-tiges Bah, les géants. cotons-tiges, voilà. Ouais, c'est le sabre. Et puis il y avait plusieurs épreuves en une, en fait. Il y avait du windsurf, il y avait du. Le Il y tir avait le les ersatz de Pilot Wings. Il y avait de la chute libre, enfin il y avait pas mal de. Il y avait 12 épreuves Il y différentes. avait une vraie Du diversité vélo. par rapport au premier jeu. Bon, même si le premier était offert avec la. Était donné avec la console. Il y avait une vraie diversité au niveau des disciplines présentées. Alors moi j'ai le souvenir hein, du tir à l'arc, justement. Bah, qui était quand même assez technique, parce que au début, bon, voilà, on comprend le principe. Il suffit de mettre la flèche la plus au centre de la cible. Et par contre, D'ailleurs, je te coupe, mais enfin, c'était relativement original la façon dont on utilisait l'arc, enfin la Wiimote. C'est qu'en fait, on n'utilisait pas le pointeur, on la mettait droite comme si on tenait un arc en Ouais, tout fait, à fait. et on tirait avec le nunchuk sur la corde. Et je pense que ça apportait vachement de précision et c'était, enfin, moi, j'aurais pas pensé qu'il faisait le tir à l'arc comme ça. Bah, ça paraît, après coup, ça paraît plus naturel de le tenir comme ça, finalement, parce que si on est dans le même principe que sur le premier Wii Sport, où bah, pour le tennis, voilà, tu te servais de la télécommande comme d'une raquette de tennis, derrière, tu vas te dire, ah ouais, c'est pas idiot de faire comme ça, plutôt que d'un bête, de faire comme un bête pointeur, quoi, ou un bête shooter. Donc c'était une idée sympa. Alors, je me souviens aussi, moi, alors pour finir sur le tir à l'arc, ça devenait quand même extrêmement technique, notamment sur les épreuves les plus avancées, parce Avec que du vent et tout. voilà, fallait tenir il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. Tu avais le vent, tu avais la distance, donc voilà, c'était pas en tirant le plus possible sur la corde et en visant le mieux possible que tu avais le meilleur taux de réussite au niveau du résultat. Et c'était vraiment, ça montrait en plus. Ça mettait en valeur justement le Wii Motion Plus et son intérêt, son intégration dans le jeu, qui était quand même évidente après coup. Parce que bon, sur le coup, on se dit, bon, c'est sympa, un accessoire en plus, c'est juste pour booster Oui, la télécommande. l'ambassadeur du Wii Motion Plus, et c'est vrai que je Bah, le pensais vieux qu'il serait. ambassadeur, oui, Et là, par c'est vrai rapport que. Oui, à un grand chelem. oui. Il a Le jeu a énormément été poussé, développé pour ça, quoi. il a énormément été poussé par Nintendo, parce que je sais pas si vous vous souvenez, vous aviez toutes les pubs avec les sportifs. Hein. Justement, Oui, donc oui. les pubs qui passaient à la télé, où en fait il y avait les deux sportifs qui se confrontaient, soit c'était sur leur discipline favorite. Donc tu voyais notamment c'était une fille qui tirait à l'arc, Et ça, ils avaient fait pas mal de petits spots comme ça, et ça avait quand même bien mis en avant le jeu, et bien mis en avant le principe du jeu qui est finalement extrêmement basique, extrêmement facile à comprendre. Surtout l'accessoire a été vendu avec aussi. Exactement. Ouais, dans un pack avec. Moi j'aimais bien le pack, c'était une grosse boîte en carton, avec donc le jeu dedans et le Wii Motion Plus, et il y avait. Devant, ça faisait une sorte de petit hublot avec, tu voyais la jaquette derrière, enfin c'était sympa. Oui, exact, c'était plutôt bien foutu en effet. Et moi, je parlerai vite fait de trois jeux qui m'ont beaucoup plu. En fait, le truc qui me plaisait par rapport à l'autre Wii Sports, c'est que là, les jeux, enfin, ils avaient une vraie profondeur et tu pouvais jouer longtemps et progresser. Par exemple, le ping-pong, qui est un milliard de fois mieux que le tennis de Wii Sport. Le ping-pong, il prenait les effets en compte. Après, ça reste quand même limité, mais il y avait une vraie progression. Et quand on arrivait dans les niveaux pro, ça commençait à être assez hard quand même. Et battre l'IA, c'était pas si simple. T'avais aussi. Alors, moi, j'ai passé énormément de temps sur le kayak. Où on jouait en fait, on jouait en coop avec des potes, donc à deux où on faisait des courses Un ou jeu de alors à coop quatre. sur un jeu de kayak en coop, quoi. Le principe du jeu, quoi. Mais c'est juste génial. Enfin, c'est le truc où c'est vraiment là c'est du vrai coop parce qu'il faut vraiment se parler. Genre toi tu pagayes à gauche, toi tu pagayes à droite, à quel rythme, Faut être etc. synchrone, quoi. C'est un peu Il comme... faut être super synchrone Ouais. et c'est là où tu vois que le Wii Motion Plus est vraiment pas mal. Enfin, améliore énormément la réactivité du truc, c'est que ça prend vraiment bien tes mouvements et c'est pareil, il y a une profondeur énorme. Alors que ça paraît pas, hein, c'est juste un jeu de kayak et voilà. Mais il y a une vraie progression dans le jeu et c'est vraiment super poussé et en coop où. Tu te fais un 2 contre 2, mais tu t'éclates et tu peux passer énormément de temps dessus. Et il y avait plusieurs jeux. Il y a le bowling aussi qui a été vachement amélioré. Et du coup, parce que sur le premier, sur le bowling de Wii Sport, je faisais 300 points parce que c'était trop facile. Et C'est super facile, ouais. à partir du moment où ils ont ajouté le Wii Motion Plus, c'est devenu tellement chiant à faire des Comme dans la vraie scores vie, quoi. que j'ai laissé tomber, j'ai joué à d'autres jeux. C'était pas sur justement sur le Wii Sport Resort où tu avais justement sur la partie bowling. Donc au début tu avais les 10 quilles normales, tu vois. Et à la fin Ouais, ça a fini à 100 quilles. ouais, c'était le truc. Mais ça y était sur le premier aussi. C'était déjà sur le premier, d'accord. Ouais, et après, par contre, t'avais des trucs aussi avec des obstacles, où ils te mettaient des obstacles sur la piste, il fallait le contourner pour taper les quilles, etc. Oui, exact, pour bien utiliser l'effet, bien marquer l'effet sur la boule. Mais ouais, non, voilà, il y avait vraiment des jeux super sympas. Il y avait le Pilot Wings aussi que j'ai beaucoup aimé, où il y avait pas mal de choses à débloquer. Il y avait le windsurf aussi, enfin je sais plus comment. Le windsurf où t'es tracté par un bateau à moteur et tu dois faire des figures. Ah, enfin, je sais, Qui oui. était vraiment sympa aussi. En fait, au final, Ski bah, j'ai nautique, passé hein. énormément de temps dessus, je crois, au compteur. Je dois être à 300 heures, un truc comme ça. Il y a beaucoup de. Non, Merde. il y a beaucoup de. C'est beaucoup de soirées entre potes aussi. Hein. Un joueur J'ai déjà hardcore de fait. Wii Sport Resort, qui l'aurait cru? J'ai Voilà. déjà fait, j'ai déjà fait du 10 Le heures MP dessus de Wii Sport Resort. avec trois potes et Le Diablo Nox 9. par contre Non, on ne à cite la pas ce fin nom, là ce pour une nom. fois on peut réellement dire que t'as mal au bras Laissez-le quoi. parler. Vas-y, continue Antoine. J'ai fini. Très bien. C'est pas ma faute, il a commencé à parler de Diablo X9. Bah, c'est surtout que passer D'ailleurs, on a des 300 heures nouvelles. sur Wii Sport Resort, c'est le premier joueur que j'entends, bon, en tout cas, je n'ai pas forcément posé des questions auparavant, mais c'est quand même assez impressionnant. Bah non mais attends, c'est un jeu fait pour jouer avec des potes. Oui. Tu fais une soirée entre potes, tu fais facile 3 heures dessus. C'est vrai. Et voilà, ça va vite, hein. C'est Ah mais vrai. c'est rien comparé à 16 heures sur Football Manager. À J'ai combien, ceci, 16 heures? ceci Non, pour être. à 16 heures passées sur Football Manager. À mes heures passées sur Oui. Football Manager. Oui, mais Football Manager, c'est pas pareil, je peux faire d'autres trucs en même temps. On va passer maintenant à un jeu très très intéressant parce que c'est Metroid Prime Trilogy. Donc on avait connu C'était en 2000, voilà, c'était en 2007, pardon, la sortie de Metroid Prime 3, donc le troisième épisode de la série de. Comment s'appelle les développeurs? J'ai un trou. De Rétro Retro Studio. Studio. Merci. Et donc là, on a De le rien. Metroid Prime trilogie avec les deux premiers épisodes de Metroid Prime qui étaient sortis donc initialement sur GameCube, qui ont été Remanié pour la réadaptés, jouabilité voilà, de remaniés pour la la Wii. jouabilité Wii. Nouvelle façon de jouer. Avec, je me souviens d'une jaquette qui est vraiment très très jolie. Ouais, en fait, c'était. Ouais, t'as un coffret qui brille. Wow. Qui Très beau, il est très Ouais. beau. Et ouais, dedans, c'était une steelbox, je crois. Bah, c'est surtout trois jeux de qualité, quoi. De Ah bah qualité, oui. effectivement. Parce que, bah, après, évidemment, faut Bah, et puis chacun. assez unique Faut en aimer genre, Metroid quoi. en même temps, mais ouais. Ouais, même tu vois, le premier, moi, quand j'ai commencé le premier, alors je me suis dit, tu vois, t'avais le côté où il fallait scanner toutes les pièces dès que tu rentrais dans une pièce, il fallait scanner. Je me suis dit, c'est la chose qui va être extrêmement pénible. Et finalement, ils ont fait ça d'une telle façon que tu avais envie d'en savoir plus Ouais. sur l'environnement sur l'environnement que tu découvrais en même temps que Ouais, parce qu'une le partie de la scénario. narration passe par là, en fait. Exactement. Et c'était un. Voilà, après, voilà, on n'a pas forcément plus de choses à dire que ce qu'on avait dit dans la première partie du podcast, puisqu'on Il me avait semble qu'on évoqué. avait déjà touché deux mots de toute façon sur Metroid Voilà, Prime exactement. Trilogy, il me Ouais. semble. Ouais. Ouais. Mais voilà, ça reste une belle. Ça reste un très bon Une valeur jeu, sûre. exactement, adapté à la configuration de la Wii. On va passer à un jeu de musique. Ah. Ouais. À une itération de même d'un jeu de musique très connu puisque c'est Rock Band, et on va parler l'épisode, pardon, The Beatles La Rock voiture. Band. Alors là-dessus, moi c'est pareil, je vais beaucoup évoquer des souvenirs parce que j'y ai pas joué directement, mais je me souviens donc l'E-Cube, ça devait être l'E-Cube 2000, c'était 2009 ou 2008? 2009, je crois. 2009, c'était après. Attends, quelle année il est? Ouais, bah alors, ouais, ça devait être le 3 2009, ouais. Parce qu'il était sorti, voilà, le jeu était sorti le 9 septembre 2009, Ouais, donc donc c'est le le 3 2009. 9-9-9. Et donc je me souviens, moi, c'est de la vidéo d'introduction qu'on avait eue à l'E3, qui était juste magnifique. Bon, après, Et qui se t'avais retrouve dans le jeu. dans le jeu, voilà, après, t'avais sur scène Ringo Starr et Paul McCartney qui sont arrivés. Mais bah, je trouvais Et Yoko. intéressant. Et Yoko. Je trouvais intéressant de l'évoquer ce jeu parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion de le faire sur un Guitar Hero sur la licence Rock Band. Et c'est un jeu les jeux de musique notamment ont beaucoup fonctionné sur Wii. Que ce soit guitare simple, guitare micro, guitare, bah, tout le pack complet, guitare, basse, micro, batterie. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, après, le principe de jeu reste le même, hein, évidemment. Là, c'est estampillé The Beatles, donc on va avoir que les chansons des Beatles, mais il y a énormément de jeux différents. Il y a eu version AC/DC, il y a eu version Green Day. J'ai pas joué à la version Beatles, mais j'ai passé un temps fou sur le premier Rock Band et j'ai claqué un plan d'épargne logement sur tous les DLC. Tu m'étonnes. Parce que tu avais chaque chanson était vendue en DLC sur les titres. Sur les différents épisodes, tu avais aussi. Je ne sais plus le nom du groupe, bon, c'est pas grave. Ah, j'ai un trou. D'ivoire. Des Ah non, indices. il y a une chanson, c'est Teacher. Tu le connais, Gallium. Hein. Je sais que tu connais. Ah, Si tu Van l'appelles Halen. encore comme ça, il Van va pas Halen, te merci. répondre. Oui, Van Halen, oui, exact. D'accord. Est-ce Chinook, que t'as vu comment je suis fort? T'as Chinook des petites shirts. Van Halen. Teacher, ouais, teacher. J'aurais dû dire Hot for Hot Teacher, for évidemment. T-shirt, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'était un rock band? Ou c'était un Guitar Hero? C'était. Je m'en Ah, je suis pas fous. très sûr. Je crois que c'est un Guitar Hero. Si je Je pense, doute c'est un aussi, Guitar ouais. Hero. C'est possible. Hein. Bon, après, je veux dire, le principe du jeu étant le même, Oui. voilà. C'est pas non plus dramatique. C'était histoire de le caser. Ici, alors on va passer à une itération de Dead Space, puisque Dead Space Extraction a vu le jour donc sur Wii au mois de septembre 2009. Alors là, on sortait totalement du principe du premier jeu, puisque on est toujours dans l'univers de Dead Space, bien évidemment, mais on était sur un simple rail shooter. Bon, histoire de l'évoquer, c'est aussi histoire Un d'évoquer les. simple rail shooter, pas tout à fait, parce que c'est un rail shooter horrifique. Oui. Et il avait un rythme très différent des rail shooters habituels et qui était plutôt bien foutu d'ailleurs. Ça changeait un peu de la pléthore de rail shooters qu'il y avait sur Wii à ce moment-là. Exactement. Mais c'est aussi pour parler, je voulais l'évoquer aussi pour parler des itérations de jeux qu'on a eu sur console next-gen, pardon. Sur console PS3 et 360, qu'on a prévu sur Wii, mais sous une forme différente. Alors, par exemple, là, on a le Dead Space Extraction, Extraction, ouais. Extraction. Puisqu'on est passé d'un FPS à. C'est même pas un FPS en plus, hein, c'est un jeu C'est un d'horreur, survival, tout survival simplement. horror, voilà. Un shooter horrifique. On a eu aussi une version différente, on l'évoquait dans le premier podcast, de PES. Puisque là, il y a une vraie adaptation du jeu au style et à la maniabilité de la Wii. Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça que vous. Alors, Peut-être les Call of Duty? Les Call hein? of, hein. Les Call of Tout Duty, simplement ouais. les Call of, hein. Et que le remake de Modern Warfare dessus qui était vraiment pas mal. Et qui reprenait donc la jouabilité. Il était vraiment. C'était quoi? C'était une réadaptation du jeu? C'était un nouveau jeu par rapport à un jeu différent? Non, c'était le même. C'était le C'était même le même jeu, mais avec la réadapté à jouabilité la. qui va bien. Ouais, à la La nouvelle façon de jouer. D'ailleurs, en parlant de Pourquoi ça nouvelles fait façons de jouer, référence ce truc? puisque vous me lancez C'était là-dessus, le. dans les nouvelles façons de jouer, il y a eu les deux Pikmin sortis sur GameCube qui ont été Ça, et il y a refaits. eu C'est Mario Power parti! Tennis aussi. Il y a La eu nouvelle, Mario là, Power quand Tennis, il mais comme a. c'est un épisode un peu nul, on va pas en parler. Quand il a la nouvelle Mais. façon de jouer, en fait, c'était les jeux 64. 64, pardon. GameCube. Non, Même mais c'est vrai, t'es pas loin. GameCube réadapté à la maniabilité Wii. Bon, c'était. Par contre, Exact. Et c'était. pour Pikmin, pardon, Oui. ça changeait. Enfin, c'est réellement un énorme plus parce que pointer à la Wiimote plutôt qu'au stick, c'est quand même beaucoup mieux. Forcément, à la manière de Little King Story d'ailleurs. C'était Little King un. Story qui n'utilise pas le pointeur et c'est bien dommage. Oui. C'est un des défauts du jeu d'ailleurs. Alors, on a parlé justement des petites pépites, hein, d'une petite pépite, notamment en 2009, c'était l'année même que l'on présente ici, Little King Story. Alors, on va en parler d'une autre qui est dans le même style. En tout cas, c'est une petite merveille graphique, hein, et puis après, qui provoque un principe de jeu simple, mais finalement très intéressant, puisque c'est Muramasa. Son Demon Blade, qui fait partie. Alors, c'est pareil, ces genres de jeux, c'est dommage parce sur Wii, il y a énormément de jeux, des jeux qui sont pas connus du grand public, mais pourtant qui ont un intérêt et qui ont une vraie D'ailleurs, qualité. il a été annoncé pour dire que la Vita, c'est un peu, on va dire, c'est la nouvelle Wii. Enfin, je lui souhaite le même succès en tout cas. Pardon, C'est elle était très mal bonne. parti, mais Poutoun, j'avoue là. non, c'est qu'il y a Muramasa qui a été annoncé dessus. Exactement. Ouais. Tout comme Little King Story. Mais bon, c'est pas ça qui va faire acheter des Vita. Non, Non. clairement non. Mais ouais, c'est sûr que par rapport à une Wii, tu dois choper à 60 balles maintenant. Si t'as envie de te faire Muramasa et plus, ou alors une PS Vita à 200 balles, c'est sûr que je vais prendre la Wii, quoi. Oui. Donc pour le principe du jeu, c'est un beat'em up. Ouais. Ouais. Avec un gameplay vraiment pas mal parce que ça joue sur en fait des sabres. On possède trois sabres et il y a une jauge de. En fait, plus on tabasse d'ennemis, plus les lames s'émoussent, etc. Jusqu'à ce qu'elles se cassent. Et en fait, on peut les charger et changer comment dire, changer de sabre en plein combat. Et ça va nettoyer l'écran et tu repars. Le sabre qui est dans le fourreau, en fait, Se il va se régénérer. rétablir, on va dire. Et t'as tout un gameplay aussi, c'est assez aérien en plus, t'as plein de combos. Enfin, c'est vraiment au niveau du gameplay, il est vraiment très. Enfin, du système de combat, il est très très bien foutu. C'est un jeu Vanillaware, hein. Donc c'est un jeu Exact. à la manière de Odin Sphere était pareil, très aérien, dans le sens où t'avais des sauts très importants au niveau du jeu. Donc c'est des jeux qui sont. graphiquement extrêmement léchés, qui sont vraiment très très C'est jolis. ultra beau. Ouais. C'est un truc de Bah, dingue. je l'ai vu tourner chez un pote et je me suis dit, putain, ça tue, putain, je veux, C'est putain, faut que je m'achète une Wii. Et ça fait 3 ans que je me dis ça. magnifique. Et s'il y a un jeu qui doit ressortir en remake HD, parce que bon, la résolution, c'est pas de la HD et ça se ressent un poil quand même. Mais s'ils doivent le ressortir en HD, c'est celui-là. Et Ouais, c'est quand même putain, très mais joli, je hein. kifferais. Franchement, quand tu vois les... C'est super beau. Et d'ailleurs, j'ai vu, alors, ils ont fait des screens en 3D relief sur qu'on peut trouver sur 3DS. Et c'est super beau, c'est un truc de dingue. C'est magnifique. En plus, c'est pas juste super beau, c'est que c'est super bien animé. C'est vraiment, il n'y a jamais une baisse de framerate. C'est même quand il y a énormément d'ennemis à l'écran, des effets dans tous les sens, parce qu'il y a des effets super beaux. Au niveau de la réalisation, il est ultra léché et il est dément. Et pareil, au niveau des musiques, elles sont vachement bien. Et si au niveau. Alors, je vais parler aussi. En fait, donc, il y a le principe des sabres. Et en tout, il y en a 100 à débloquer, à acheter, etc. Ou à forger. Et en fait, pour ça, il faut finir le jeu 6 fois. D'accord. Alors, ouais, D'accord. mais c'est pas. Alors, en fait, quand on l'a fini une première fois, donc c'est-à-dire qu'il y a deux personnages, donc deux fins différentes. Et quand on l'a fini avec chacun des personnages, on peut recommencer avec ces personnages-là. Pour débloquer une nouvelle fin, mais on va pas refaire tout le jeu. On va faire qu'une partie du jeu, certains boss, etc. D'accord. Donc ça reste relativement, enfin c'est ça rallonge un peu la durée de vie. Je crois que j'ai dû mettre, je sais pas, 40 heures, je crois, pour avoir tout, pour avoir tous les sabres, etc. Et alors après, une fois qu'on a fait toutes les fins. Ça débloque un mode de jeu qui c'est le mode Shigerui. Et en fait, on n'a qu'une seule vie et on n'a pas le droit. Enfin, c'est pas qu'on n'a qu'une seule vie, c'est qu'on n'a pas le droit de se faire toucher. Une seule fois. D'accord. À partir du moment où on se fait toucher, c'est game over. Et ça pique. Donc j'ai essayé, j'ai fait le premier boss, et puis après, je me suis fait toucher et j'ai arrêté. La douleur. Mais Mais ouais, le c'est... jeu est juste. Enfin, il est. Pour moi, il est absolument génial. Et le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, et ça c'est inhérent à beaucoup de jeux du genre, c'est que il est relativement répétitif. Mais Mais c'est ouais, parce que c'est le c'est vraiment de ces jeux que j'ai envie de me prendre pour si je rachète une Wii, quoi. Mais Mais il était si tu rachetais une Wii, ouais. tu vas racheter une Wii. Voilà. Ah, je vais racheter une Wii. C'est C'est un le but de ta ordre, présence maintenant. ce Bah soir, en écoute, fait. tu vas au Canada, tu vas t'acheter la Wii Mini. Offrez-la-moi pour Noël avec Donkey Kong Non, Country faut pas acheter Returns. la Wii Mini par contre. T'as pas d'accès Internet, donc t'as pas accès au WiiWare. Et Digression. Le WiiWare, voyons. t'as pas la rétro GameCube. Donc, Mais il n'y a rien sur WiiWare. bah, on va en parler tout à On va l'heure. en faire, voilà, exactement. Dans la cinquième partie du podcast. Il n'y a rien sur WiiWare vu qu'on voit rien sur les sites internet, donc il y a forcément rien. C'est Oui, pas bah, on va dire ça. Non, mais Ce n'est pas le sujet, messieurs. si tu vas sur le site US, tu verras quelque chose. Et juste pour finir sur Muramasa, ça a été donc développé par VanillaWare, c'est-à-dire 23 personnes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est un des plus beaux jeux de cette génération. Ouais, complètement. Ce sont tous les jeux qu'ils font à partir du moment comme ils maîtrisent tellement bien la 2D que voilà, ça fait tout de suite des jeux supra léchés graphiquement, quoi. C'était pas eux qui avaient fait Odin Sphere aussi? Si, si. Si. Si. D'accord. Grim Grimoire et Odin Sphere. Et D'accord. Grand Knight Story sur Vita ou PSP, je sais plus. Il y en a un autre qui est prévu aussi sur Vita. Alors, on va finir cette année 2009 sur certainement le jeu le plus vendu cette année-là, notamment sur Wii, c'est New Super Mario Bros. Wii. Alors bon, c'est un Mario, c'est C'est un un clone, Mario. ça voilà. Un New C'est Super ce Mario. qu'on veut dire, c'est un Non, Mario. c'est plutôt un New Super Mario, dans le sens où il reprend le principe de jeu de l'épisode DS. Cette fois matinée d'un mode multijoueur À quatre. compétitif. Hein. Donc donc c'est assez coop compétitif, hein, on peut, enfin ouais, c'est à l'appréciation de tes potes, quoi. Ouais. Si t'as envie de passer une soirée, ça dépend si c'est salaud ou pas, quoi. Ça dépend si c'est des enculés ou pas, ouais. Ça dépend si c'est comme Gino. Tous des voilà. Oh, ça y est, tout de suite. Non, mais franchement. Alors, vous avez, je pense que vous avez pas mal joué. En fait, t'as dû. Oui. Non, moi, j'y ai pas joué. Tu y as pas joué? J'aime pas les Mario 2D. Oh, oh là là là là. Et voilà, voilà, ça décrédibilise tout le podcast. Et ouais. Et au revoir, tout le monde. Non, mais par contre, on peut dire que c'était à l'époque où les gens ne détestaient pas encore les New Super Mario. Bah, faut dire qu'après, il y en a pas sorti trop par an. Enfin, j'ai joué avec des copains qui avaient la Wii, je trouvais sympa, mais c'est vrai que même déjà à ce moment-là, je trouvais ouais, c'est un peu le même que sur DS, sauf qu'on peut jouer à 4, quoi. Et j'étais pas non plus super emballé, quoi. Mais je trouvais sympa ce film. Ouais, sympa, ouais, c'est le mot. Sympa. C'est par contre, quand il y a eu le 2 qui est sorti sur 3DS, c'est là où j'ai commencé à me dire sérieux, vous foutez vraiment de ma gueule. Bah, c'est pas ça, c'est que celui avec le problème, c'est qu'il y en a eu. Il y en a eu deux qui sont sortis à trois mains d'intervalle, donc c'est forcément. Ça. Ouais, et en fait, c'est le 2 qui aurait pas dû sortir, parce qu'il y a eu 3D Land sur 3DS, et le 2, en plus, il a été développé par une équipe annexe qui est, on va dire, relativement bâclée. Alors la vraie équipe s'occupait du New Super Mario Bros. U, qui est clairement d'un autre niveau, quoi. Vraiment meilleur, apparemment. Ouais. Je suis pas touché, donc je peux pas dire, mais. Et puis je le trouvais, par contre, le New Super Mario Bros. Wii, bah dur, en fait, hein. Même dès les premiers niveaux, c'était pas évident, hein. Après c'est. Et tu n'as pas le skill, c'est pour ça. Oui, enfin, je ne répondrai pas à cette remarque. C'est parce que tu te sers pas du super guide, le truc des BGM. Le beat the game. Ça on en parlera à la fin dans les débats, je pense. Oula. Mais non, je l'ai trouvé vraiment pas évident. Bah, moi qui c'est pas le premier Mario auquel je joue, donc je suis quand même habitué au fonctionnement du jeu, mais je pense qu'une personne qui découvre Mario, c'est pas forcément le Mario le plus accessible que l'on puisse trouver. Non, c'est Super Mario Bros. 3. Le meilleur. Le meilleur, Super Mario Bros. 3, quoi. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis que c'est pas le plus évident à prendre. C'est moi qui fais ma pub de merde pour Super Mario Bros. 3, donc tu as tout à fait raison. Pour débuter, je pense que le meilleur, c'est New Super Mario Bros. Sur DS. Ouais, voilà. Relativement simple, et c'est un tour d'horizon de la série, en fait. De la série des Mario 2D. Mais après, moi, c'est pas forcément, ils m'ont pas plus impressionné que ça. J'ai davantage apprécié les Super Mario Galaxy. Pareil. Le principe du jeu, surtout. Pareil. Sur le principe novateur qu'il apporte, quoi. Parce que bon, New Super Mario Bros. Wii, à part certains. Le gameplay à 4, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il a pour lui, quoi. Mais sinon, après, ça reste un Mario 2D très classique. C'est un Mario, quoi, un Mario 2D. Il faudrait dire ça. Juste préciser quand même que le jeu s'est vendu à 25 millions d'exemplaires, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et il a dépassé les 25 millions, ce qui est absolument monstrueux. Il était vendu avec une console, la Wii rouge. Bah, il est en bundle avec. Hein, c'est... Tout à fait. Mais après, ça fait qu'un an, un an et demi. Il est en bundle. Avant, il n'y était pas. Exact, c'était pour fêter les 25 ans de. Les 25 ans du plombier moustachu, notamment. Tout à fait. Passons à 2010. Passons. Nouvelle décennie. Nouveau millénaire. Ah non. Non, ça c'était. T'es pas loin. Hein. Voilà, 10 ans après, c'était pas ça. C'était ça, je veux dire. Donc, alors 2010, on a eu 2009 qui était quand même extrêmement riche en termes de jeux. On n'a évidemment pas évoqué tout ça, on a évoqué les plus importants. Mmh. 2010 s'annonce autrement plus fort, autrement plus important. Avec, c'est un peu le même principe. On va retrouver des licences de chez Nintendo. On va retrouver des jeux à fort potentiel, mais qui n'ont pas fonctionné, même s'ils ont eu de bonnes critiques. Des jeux aussi auxquels on n'aurait pas forcément pensé les voir arriver sur Wii. Alors, je vais pas prendre dans l'ordre, justement, je vais parler de cette dernière catégorie, je vais faire référence à Silent Hill. Ah, bah ça. Shattered Memories. dans un superbe Oh, accent bravo. anglais, Pas avec pris un la superbe peine. accent anglais, pardon. Bravo, Romain. Là, bravo. Disponible simultanément donc sur Wii et sur PSP. Donc là, c'est Exact, ouais. pareil, la stratégie est assez. Et PS2 aussi. Casse-gueule. Et PS2, ouais, c'est quoi? Non, mais compliqué à apprendre, à comprendre. Alors, Silent Hill Shattered Memories, est-ce que vous y avez joué ou pas? Non, j'y ai pas joué, mais j'en ai entendu beaucoup parler, et Moi bon. aussi, mais j'ai pas du tout joué. Toi, J'y ai pas Jean? joué non plus. C'est très bien, comme ça on va pouvoir faire J'ai, ça 15 fait trop minutes. peur. Oh, la petite chouchoute, tu verras quand on te Voilà. mettra Amnesia. Alors, non, le principe était sympa dans le Jamais, sens où jamais. tu n'avais pas d'arme. La seule arme que tu avais, Exactement, ouais. c'était la lampe Une de lampe poche. torche. La La fuite, mon fuite, cher. voilà. Tu cours. Comme dans les combats aléatoires dans Final Fantasy. D'où sur Nintendo, est-ce qu'il y a un plombier? Comment? What? Non, on va pas la refaire. Vas-y, continue. Donc il y avait ça qui était novateur notamment dans le jeu puisqu'on avait d'habitude on était habitué à avoir une baramine, avoir des armes même si les munitions étaient souvent en En très petite quantité quantité, ça jamais été un exactement. jeu d'action. Oui, Ouais, voilà. c'est un jeu Et d'atmosphère. là on était plus dans un jeu d'atmosphère et tu avais notamment entre les différents niveaux tu avais des passages chez le psychologue Ah oui. où tu devais en fait répondre à des différentes questions et Des ces QCM, questions-là ouais. avaient des incidences sur la suite, sur les épisodes, les niveaux qui suivaient, parce que tu avais par exemple dans le souvenir que j'ai, tu avais une maison qu'il fallait colorier d'une certaine couleur, et tu retrouvais donc cette couleur, ça devait être ta maison, la maison du héros, du personnage, et cette même maison était, donc du coup, que tu découvrais dans les niveaux plus tard, dans les niveaux d'après, était colorisé de la même façon que ce que tu avais fait sur le QCM. Donc c'était sur le principe vraiment assez prenant. Bon, j'ai pas joué non plus hein, mais Silent Hill j'ai eu l'occasion de faire le premier épisode notamment sur PS1 et je trouve ce principe-là vraiment vraiment sympa et vraiment intéressant sur Wii parce qu'on est quand même sur une console qui est tournée grand public. Konami a quand même pris les risques et a fait l'effort de sortir un jeu assez différencié par rapport à ce qu'on connaît de la licence autrement. Il faut quand même souligner aussi l'utilisation de la Wiimote qui est quand même très bien sur ce jeu, hein. J'ai vu des extraits et par exemple pour les énigmes, il y avait, pour citer un exemple, C'est vachement bien, j'ai vu des extraits, non mais pour citer un exemple, j'avais vu par exemple on arrive avec le personnage, on doit chercher une clé et on devait fouiller dans les environs et on voit par exemple, ça passe en première personne et on prend un objet. Et on le secoue et on entend du bruit et finalement avec la Wiimote on doit faire le geste et sortir la clé. Tu m'en diras Et alors. non, il y a un truc aussi qui est vachement bien, surtout pour ce genre de jeu, c'est entrouvrir la porte. C'est-à-dire qu'avec la Wiimote, tu peux plus ou moins entrouvrir une porte Ah, avant c'est d'entrer sympa dans comme une idée ça. pièce. Comment? Non, j'ai dit c'est sympa comme idée ça. Bah ouais, Ouais. et ça, enfin, c'est mieux que la Spycam Splinter de Cell. Splinter Cell, du coup. Et c'est le genre d'idée apparemment qui marchait très bien dans le jeu. On peut citer aussi que Silent Hill Shattered Memories a été développé Tu vois, par c'est moins Climax. bien dit là déjà. Ah ouais, tu me dis mal. Ouais, mais Romain a des diplômes, c'est pour ça, il sait Vas-y, dire. Romain, redis-le. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est le stress là. On sent le Ouais, stress sans de la la voix dans pression la Non, voix. mais il faut quand même dire que Ah, c'est je pas joue trop. Konami en interne qui l'a développé, que c'est Ouais, mais Climax qui a fait un très bon boulot c'était là-dessus. à l'époque, donc Climax, c'est canadien, je crois. Et Il me semble, ouais. ils avaient déjà développé les deux épisodes PSP précédents. Et enfin Ouais, voilà, ouais. Origins, c'était quoi. eux qui étaient, c'était le studio attitré du moment pour Silent Hill. Voilà, c'est un bon Silent Hill sur Wii, sur PS2 et donc sur PSP notamment. Plus sur Wii que sur PS2 et PSP, quand même. Ouais, mais pour dire qu'il est Bah, il sorti sur ces était, ouais, consoles-là. il a été développé sur Wii principalement et après Voilà. Et adapté sur les ouais, deux autres consoles. épisode annexe sur les autres consoles. Tout à fait. Tatsunoko vs Capcom. Alors ça, c'est pareil, c'est un crossover de folie De folie. Tatsunoko et Capcom. Exactement. Bravo! Moi, je voulais ressortir les personnages de la bataille des planètes. Parce que la Là, je bataille des t'aiderai pas planètes, là-dessus. Alors là, oui, là. série qui est sortie qui est sortie en France. Donc c'est vrai que c'est un jeu Alors c'est assez étrange de l'avoir sorti en France, je trouve, ce jeu-là, même Ouais, si c'est un des... je suis assez surpris ouais, qu'ils le sortent en France parce que y a les trois quarts des personnages du roster, on les connaît pas, Et mais surtout que ça a dû être assez tendu au niveau licence parce que les licences n'appartenaient pas forcément à... Enfin, tout n'appartenait pas forcément même, aux mêmes ayants droit, on va dire. Ouais. Du coup, pour rassembler toutes ces licences, ça n'a pas dû être C'est un peu comme forcément si tu simple. sortais Jump Ultimate Stars en France, ça serait un Ouais, bordel, mais. Et c'est ce sera un plus, vrai ça casse-tête serait parce plus qu'on. compliqué, Ouais. je pense, mais ouais, c'est un peu dans ce style-là. Et donc, aussi, donc c'était un jeu en 2D, hein, c'était un jeu de baston en 2D, il me semble qu'il y avait du team battle. Ouais, bah, c'était un VS Capcom, un peu comme Marvel versus Capcom. Dans le même style, c'est du tag battle, c'est du 3 contre 3 qui va super vite avec des gros combos, de la mort qui Assez tue, accessible, des persos un peu craqués. ouais. Et Des. ils avaient sorti un stick arcade, hein, sur la Ouais, un stick version, arcade qui sur était Wii, très bon. quoi. Comme Qui quoi, était très bon. tout arrive. Avec une skin, avec une super skin bah, qui reprend Tatsunoko vs Capcom. Je me souviens de l'avoir vu en festival, notamment Stunfest. Il était joué, pas forcément sur la grande scène, mais il était disponible Ouais, il a eu un petit succès quand même. Bah, jouable, ouais. enfin, Il a il eu un était bon succès. dans son Ouais. gameplay, il était bon, hein. Il a été pas mal apprécié des joueurs, hein. Tout à fait. Et c'était assez bizarre de le voir arriver, notamment sur Wii, parce qu'il n'est même pas sorti sur les autres consoles, hein. Il est sorti Non, uniquement sur c'était la une exclu Wii. Wii, hein. Une exclu Wii, ouais. Ouais, exclu Wii. Alors, quittons le jeu de baston pour un univers un peu plus tranquille. Avec Endless Ocean 2, donc l'océan Ah, les sans fin poissons. 2, Blue Blue. L'eau. Antoine, je crois que tu es un fan hardcore de ce jeu. Absolument pas. Tu l'as pas fait, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit juste 300, avant. 400, 500 heures, vas-y, J'y dis-nous tout. ai joué, j'ai joué un peu aux deux, enfin au premier et au deuxième. As-tu pêché la galinette cendrée? Non, je Ça l'ai se chasse, ça se chassé. pêche pas ce truc. Ouais, je l'ai chassé. Exactement, bien vu. Donc Non, voilà. mais c'est enfin c'est le genre de jeu bah, comme Africa sur PS3 ou des jeux comme il y a eu précédemment. Alors, je me souviens plus des noms. Oui, t'as eu des Je me souviens plus simulations des comme noms. ça, des jeux Mais qui... d'ailleurs, le développeur d'Endless Ocean avait fait un jeu du même type sur PS2, je crois. Et c'est le genre de jeu où bah tu enfin t'es un plongeur, tu t'explores les fonds marins. Et tu découvres plein d'espèces et tout, il y a plein de petits trucs à faire comme ça. Et c'est le genre de jeu super reposant, super. Voilà, t'as envie de faire une petite simulation d'aquarium, tu prends ça quoi. Mais T'as le non, rêve, le rêve. Remplace C'est les vrais vraiment poissons. Si sympa. t'as pas d'aquarium chez toi, voilà, tu mets Endless Ocean 2 Voilà. et Et tu le mets voilà. Mais son écran. non, c'est vraiment sympa, c'est bien réalisé, c'est très complet. C'est beaucoup plus complet que le premier. Plein d'espèces à rencontrer, plein de lieux différents à visiter, même si bon, ça reste des fonds marins. C'est vraiment sympa. Après, c'est un jeu pas prise de tête et surtout, enfin, ça doit plus valoir grand-chose, quoi. À 10-15 euros, ça doit se trouver. Oui, histoire de découvrir un peu l'expérience du jeu. Un petit mot sur Fragile Dreams, donc sorti en France au mois de mars. Hein. Mais qui est sorti plus tôt, il me semble, au Japon, hein, Ouais, Fragile Dreams. Beaucoup plus tôt, d'ailleurs, il me un semble. an et demi plus tôt, un truc Ouais, comme ça. voilà. Bah c'est un jeu, au niveau gameplay, c'est pas terrible, terrible. En fait, c'est un jeu mi-horrifique, comment dire, aventure. RPG? Ouais, j'aurais dit Ouais, plutôt jeu. RPG, aventure, enfin, c'est un peu hybride. Mais ce qu'il faut noter, c'est surtout son ambiance qui est assez dingue. En fait, c'est en cel shading. Et y a une ambiance très très spéciale comment dire, dans le côté horreur, mystère. Enfin, c'est très prenant. Et ça a plu à énormément de gens qui l'ont essayé. Quand on fait un peu abstraction du gameplay qui est assez spécial, ça fait un peu comme Lost Planet, on dirige le haut du corps indépendamment du bas. Et des fois ça fait un peu bizarre. Mais sinon, c'est un jeu qui vaut surtout pour son ambiance et pour enfin, voilà, son atmosphère et ses décors. Il y a des très jolis décors dedans. Et ouais, c'est surtout à prendre pour ça. Et d'ailleurs, alors c'est Tricrescendo qui l'a développé pour. Petite histoire. Édité par Namco, il me semble, non? Ouais. C'est ça, oui. Exact. Et Rising Star chez nous. Rising Star qui est à peu près le plus gros éditeur de petits jeux comme ça sur Wii et sur Vita d'ailleurs. Autre point commun. Ah, la Vita. Elle va connaître une destinée fulgurante. Elle va, ne t'inquiétez pas. Soul Sacrifice, ça va cartonner. Au Japon. Red Oui, encore. Steel 2, ça vous parle ou pas? Ouais, C'est de la merde. carrément. Non mais. Voilà. Alors autant le premier épisode, il avait vraiment. C'était vraiment très très moyen et même le gameplay était, enfin, pas terrible. C'est C'était. quand même le premier jeu dévoilé, s'il vous plaît, Red Ouais. Steel. Ouais, Quand mais même. c'était le Alors, quand premier même, jeu j'aurais Red le principe, Steel. le fait de. C'était quand même un jeu qui avait un peu d'ambi qui avait de l'ambition par rapport au principe, au principe de jeu même, quoi. C'est-à-dire que là, t'avais vraiment l'impression d'avoir le katana dans un bras et dans une main, pardon, et un pistolet dans l'autre, quoi. Parce que dans un bras, ça fait un peu Ouais, mal. c'était Dans un bras, bah, ouais, ça aurait fait un peu, c'était ouais. ça ce qu'il disait, mais au final, c'était jamais. Enfin, c'était pas les deux en même temps. C'était très décevant, Oui, bien pour ne sûr, mais pas être vulgaire. c'est plus Alors, pour l'image les que parties l'image sabres, de. c'était très très scripté. Tu faisais un mouvement, ça te le détectait mal 25 fois sur 25. Et la partie shoot était molle. Et donc Les graphismes étaient pas ce beaux. deuxième Enfin, c'était épisode. un côté réaliste moche. Le level design était boiteux. Enfin, y avait rien vraiment pour plaire, quoi. Ben, je me rappelle que c'était, enfin, le premier, en tout cas, c'était le jeu, enfin, je veux dire, sur lequel enfin, tout le monde attendait beaucoup Enfin, ça et devait tout être le le monde a jeu gamer de fantasmé, ouais. lancement, tout Voilà, simplement, hein. et du coup, quand Ubi Ouais. a annoncé Zombie U pour la Wii U, il y en a beaucoup qui se disaient, ouais, peut-être que ce sera en fait le Red Steel de la Wii U, enfin, je veux dire, le Ouais. jeu qui a l'air super classe, mais qui tient pas vraiment toutes ses promesses, Ouais. quoi. Bah, je me Mais rappelle quand t'as été dévoilé Red Steel, tu te rappelles les screenshots qui étaient, wow, regardez Ouais. là, oui, ça va être ça! Et C'est ça. effectivement, sur le screenshot, c'était beau. Ouais. Sur le screenshot, il n'y avait pas d'aliasing déjà. C'est Tout à ça, fait, ouais. déjà ça. Donc déjà, oui, c'est forcément mieux. Forcément. Non, pour Red Steel 2, parce que c'est de Red Steel 2 dont on Oui, parle on normalement, parle, faut quand même parce parler qu'on du va 2 pas, quand même un petit faire peu. 25 minutes sur une bouse comme Red Steel. Red Steel 2, en fait, ça change complètement. Enfin, il a de Red Steel que le nom, en fait, puisque ça a strictement rien à voir avec le premier. Déjà, il y a une ambiance. Déjà, il y a une ambiance et un design qui est super bien pensé, parce que bah, le jeu, il est joli. Et c'est pas, on dit pas joli pour de la Wii, non, il est joli. Et qu'il y a un vrai bon design, une ambiance western samouraï vraiment super sympa. Et c'est un jeu. Ça mélange le côté FPS avec le côté un peu beat'em all. C'est-à-dire qu'on a les phases au shoot qui sont vraiment sympas d'ailleurs, parce qu'il utilise le Wii Motion Plus et ça augmente pas la précision. Et t'as le côté aussi avec le sabre. Là, cette fois, la reconnaissance de mouvement est vachement mieux. Et en fait, c'est un jeu à combo. C'est-à-dire que ouais, t'as des ennemis qui ont des patterns et faut que tu, selon ces patterns, faut que tu fasses des différents types d'attaques qui peuvent se combiner, etc. Et c'est un vrai jeu à combo qui est vraiment vraiment sympa au niveau du gameplay. C'est une très grosse surprise. Et super agréable à jouer, en fait. Alors, il est pas court, il fait une douzaine d'heures. Je l'avais fini en une douzaine d'heures. Le seul truc vraiment chiant, c'est que bon, il est assez répétitif parce que c'est tu te déplaces d'arène en arène où t'arrives dans une pièce ou dans une cour ou n'importe. Puis là, t'as un certain nombre d'ennemis qui viennent t'attaquer. Et puis une fois que tu les as butés, tu prends un couloir, tu vas dans une autre arène, etc. C'est relativement répétitif. Et le truc super chiant, en fait, c'est que t'as un côté j'améliore mes armes, j'augmente mes compétences, etc. Et puis arrivé à la fin, tu bats le boss. Donc bon, le boss il est pas extra. Enfin voilà, tu l'as vite torché et tout. Et puis bah après plus rien. Tu peux plus continuer ta partie. Tu peux plus reprendre une ancienne sauvegarde. Et du coup bah tu t'étais dit bah je vais garder, je vais continuer à améliorer mes compétences, faire un 100% après. Et bah non, tu peux pas. T'es obligé de le faire avant. Et le et jeu ça, explose j'ai et vous trouvé deviez ça en racheter un super autre. chiant. De quoi? Et le jeu explose et tu dois en racheter un autre après pour y rejouer. Voilà. Vous avez 5 secondes avant que ce jeu ne se détruise. Non mais ouais, j'ai enfin il n'y a pas de New Game Plus, c'est je trouve ça un peu con vu l'importance de la customisation dans le jeu, je trouve ça dommage. Ça va D'accord, bien. d'accord. Bon, je Mais vois. c'est un bon jeu. Je tiens à le En répéter résumé, parce c'est un bon jeu, ouais. il est passé vraiment inaperçu. Bah, c'est ça, ouais. Même moi, je Bah, pensais qu'à peu près que c'était à peu près comment dire, la même merde que le premier, mais le truc, voilà, finalement. c'est qu'il y a eu l'effet, je pense qu'il y a eu un effet Red Steel numéro 1. C'est-à-dire que Red Steel 2, il a subi le coup de l'effet Red Steel du premier qui Puis était très décevant, quoi. il a été pas mal reporté. Il est sorti une période pas trop propice, pardon. Ah bah on C'était m'a de toute façon. ouais c'est ça l'a un peu tué et puis enfin il a été beaucoup repoussé, il y avait des promesses et tout, et puis il y avait le voilà l'antécédent Red Steel qui a fait beaucoup de mal quoi. Ah oui, totalement. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur Red Steel 2. Oh Voilà. oui. Je pense que on peut passer à la suite avec. On peut évoquer rapidement Monster Hunter 3. Monster Hunter Tree. Voilà. Un jeu voilà, que tout le monde connaît, notamment avec l'utilisation du WeeSpeak. Magnifique accessoire de Nintendo, je tiens à On le va pas dire. reparler de ça. Non, mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que pour la première fois, la sortie d'un Monster Hunter était sur une console de Nintendo. Ce qui Et est quand même c'est suffisant. surtout que le jeu à la base avait été annoncé sur PS3 Voilà déjà ça. et Non, plus Sony. c'était le premier épisode depuis longtemps à voir le jour sur console de salon parce Tout que à fait. les premiers sont sortis sur PS2 après sur PSP ils ont fait un carton donc ils ont fait tout le reste sur PSP qui d'ailleurs à chaque fois ils ont fait des ventes monstrueuses au Japon. Et c'est ils ont annoncé le tri sur enfin le 3 sur PS3 et puis au final ils se sont dit ça serait pas mal vu comment la Wii cartonne, ça serait pas mal qu'on le fasse sur Wii. Bah, il me semble que le Monster Hunter 3 sur PS3 avait été annoncé au tout début quasiment de la sortie, il me semble, de la console, Ouais, c'est hein, possible, oui. avant, enfin, je pense au début de la période morne, avant, enfin, quand elle était chère. Ouais, quand Mais on pensait qu'elle allait bien se vendre rapidement tout et à fait, voilà. honnêtement. Mais il faut bien comprendre que si pour nous, en Occident, la licence Monster Hunter ne représente pas grand-chose, au Ça Japon, commence c'est à monter hein, quand même. Ça, oui, mais de toute façon, il avait été vachement En fait, promotionné au niveau de la voilà, France. parce qu'il y a eu quelques épisodes PSP de sortie chez nous. Et après, en fait, à partir du tri. C'est Nintendo qui s'est occupé de la promo et ils l'ont poussé à fond, ils ont fait beaucoup de pubs, etc. Et au final, le jeu s'est plutôt bien vendu pour un Monster Hunter, c'est-à-dire qu'en Occident, c'est-à-dire États-Unis, Europe, je crois qu'il fait 1,5 million, un truc comme ça. Ce qui est vraiment pas mal pour un Monster Hunter qui est quand même très très spécifique comme jeu, quoi. Et d'ailleurs, derrière, il me semble que le volet PSP qui a suivi avait été plus mis en avant par Sony, enfin au niveau de la pub, Ouais, même en France. J'avais vu. bah du coup ils ont profité de la lancer et ils ont fait des pubs tout simplement parce qu'avant il n'y en avait pas eu. Bah non, il n'était pas poussé le jeu de toute façon. Mais maintenant c'est une licence qui vend à peu près bien. Après c'est pas Ah non bah après plus c'est pas les scores du Japon, ça c'est sûr. c'est un C'est vrai que jeu j'ai pas l'impression que ça a vraiment décollé en Europe ou aux États-Unis ça, quoi. ça C'est a décollé pas. mais c'est C'est pas modérément. C'est timide, hein. Voilà, C'est timide. c'est Très parce que timide. à la base il y avait, enfin c'était pas le néant mais presque. Et maintenant ça se vend correctement. C'est pas du tout un raz-de-marée comme il y a pu avoir avec Pokémon à l'époque où je veux Non, dire ça a cartonné ah aux bah là US, ça a c'est cartonné aux US, ça a complètement cartonné autre aux chose US. hein, en Europe. Il y a des raisons pour ça. C'est Monster Hunter, c'est quand même une licence très spécifique. C'est un gameplay pas daté parce que enfin c'est très rigide. Si tu veux, les personnages sont après ça dépend des armes, etc. Mais chaque action que tu fais a un impact en fait. Et du coup, on a cette impression de personnages très lourds, très rigides, etc. Mais c'est totalement voulu. Mais le problème, c'est que bah pour la plupart des personnes, ça passe pas parce que maintenant, t'as un DMC ou t'as un Bayonetta, ça va 1000 fois plus vite et les gens ont plus envie de se faire chier avec un gameplay aussi rigide. Mais Et c'est quoi toute exigeant, surtout. la... toute la customisation qui pouvait Ouais, bah c'est en qui fait, c'est apportait à un jeu ça, de quoi. chasse. C'est un jeu de chasse, donc on va chasser du dino, on récupère des os de machin, on récupère Des des peaux de peaux. machin, enfin plein de trucs, et puis on en fait des armes pour aller buter du dino plus fort. Et c'est voilà, c'est un truc réellement, c'est une simulation de chasseur. Alors pas comme les Américains y font avec leur Oh non, cabaneuse Dangerous Hunt. Ah, ça c'est du grand jeu de chasse Voilà, sur PC. mais c'est du jeu de chasse à la japonaise quoi. C'est de la collection, en plus alors, au Japon il est beaucoup apprécié parce que on peut jouer à 4 avec les PSP En local. en local Faut à bien doc. préciser. Et en même temps enfin faut que ça pour moi c'est mieux d'y jouer en local ou en tout cas faut se parler parce que quand t'es 4 sur une map et que tu dois attaquer un dino, faut un minimum de coordination enfin faut se parler quoi. Et du coup ouais c'est un jeu. Alors le Monster Hunter 3 il apportait la dimension eau en plus, c'est-à-dire qu'on pouvait aller dans l'eau, nager, se battre contre des dinos marins et tout. Et y a ouais c'est une dimension on se bat contre des monstres énormes. Enfin c'est super épique, mais en même temps c'est très très exigeant dans le gameplay. Et il y a une grosse fanbase qui en Europe. Mais c'est une grosse fanbase pour ce jeu, c'est pas énorme au final au niveau des ça représente pas grand-chose au niveau des ventes européennes quoi. On a eu le droit cette année 2010 à d'autres suites, hein, des suites de jeux. Donc on a eu Sin and Punishment, Successor of the Sky, donc c'était la suite du premier épisode qui était sorti à l'époque sur Nintendo 64. Mais qu'il n'était pas sorti en Europe. Un jeu de Oui, chasseur. exact. Qui est Qui était sorti ressorti uniquement, en ouais. fait sur la console virtuelle sur le Hanabi Festival, Sur la Wii, dont ouais. on a Voilà, parlé dans exactement, le ouais. podcast Kirby. Exactement. Et On a eu ouais, vas-y. également, je présente rapidement, on a eu Et Sin and également. Punishment, c'est développé par Treasure. C'est ça, Faut ouais. le rappeler. Tout à fait, ouais. Très important. Même Ah un bah ouais, énorme Radiant studio, quoi. Silver Gun, quoi. Radiant Oui, ce jeu Silvergun, impossible Guardians of quasiment the de Rose. mémoire qui tue. No More Heroes 2, également Desperate Ouais. Struggle. Ah. Donc la suite du premier, hein, l'homme Ouais, qui se suite un sauvegardait peu sur moins ses bien. toilettes. Est-ce que vous souhaitez dire un mot vite fait sur ces deux jeux J'ai ou... pas joué. Sin and Punishment, c'est excellent. Alors c'est vrai que c'est un jeu qu'on trouve qui est encore trouvable pas à des prix modérés. Sin and Punishment, il a vachement baissé. Ouais, donc c'est un jeu. Et ouais, pour 15-20 € on peut le trouver. No More Heroes 2, bah, pour 10, Si, moins de 10 il est trouvable euros. pas très cher. Il est trouvable très cher, moi je l'ai No acheté More, 10 euros. ouais, c'est clair. Et No More Heroes 2, il faut quand même préciser que le jeu a abandonné son ambition GTA où on se baladait en moto et finalement maintenant c'est très très segmenté. Ouais, Donc, mais c'est moins bien. Enfin, oui, mais il faut aussi signaler les passages avec les jobs ouais, en en NES, 2D. version NES qui étaient pas mal. Ouais, enfin, moi je les ai trouvés moins bien que dans le premier épisode où ils étaient en 3D, enfin avec le moteur du jeu. Oui, le moteur du Mais jeu, ouais. là, ils sont pénibles en fait, et tu les bâcles et tu reviens pas. Mais le jeu en lui-même est toujours très bon, mais il est un poil en dessous quand même du premier No More Heroes. Ouais, et Même puis niveau si scénario, j'assure, ils se sont pas fait chier, hein. l'histoire, ouais, elle est moins bien. Mais il y a juste, enfin, il y a la scène de début, moi je kiffe. Avec merde, comment il s'appelle? Elkel Skeltel ou je sais plus comment il s'appelle. Avec une musique de dingue. Parce que alors la musique c'est Akira Yamaoka qui l'a faite. Ah ouais, d'accord. Tu Et parles pas de la musique de Silent Hill très notamment? loin de c'est très loin de ce qu'il fait sur Silent Hill. Oui. Mais alors le thème de No More Heroes 2, il reste dans la tête, un truc de dingue. Et il est juste génial pendant le combat et il est. C'est dément. Et ça donne un côté. Et je sais pas comment dire, épique, enfin, truc un peu fou. Et Epicness. la musique, alors ça, c'est vraiment dans No More Heroes et No More Heroes 2, c'est un des gros points forts, c'est les musiques, quoi. Parmi les autres suites que l'on a eues, on a eu la suite d'un jeu qui avait connu un énorme succès et qui reste de qualité, puisque c'est Super Mario Galaxy 2. Qui était une surprise quand ça a été annoncé, parce que bon, on s'attendait pas vraiment à une suite. Un Mario 1.5. Oui, voilà, on s'attendait. Enfin, disons qu'on n'a pas l'habitude d'avoir deux Mario 3D Sur la même canoniques console. sur la même console, Disons voilà. que quand tout le monde annonce des jeux 2 ou 3, tout le monde trouve ça normal. Et quand Nintendo annonce Mario Galaxy Ouais, 2, ah, c'est pas pareil, c'est pas ça, pareil. très On dit que bien. c'est un DLC. Bah, Ah, c'est pas c'est pareil, parti. c'est. Non, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, Nintendo a toujours eu. Enfin, je veux dire, Mario 64, il n'y a jamais eu Mario 64 2, Mario Oui, voilà, c'est Sunshine, ça. il y avait Voilà, Mario c'est Sunshine. ça en fait. Ça veut pas dire que Mario Galaxy 2, ça va forcément être juste un DLC. C'est pas Non, forcément ça, c'est aussi c'est pas forcément ça. le fait qu'ils soient rapprochés entre les deux, les sorties entre les deux jeux. Il y a juste 2 ans entre les deux, quoi. Donc, il y Il a y a vraiment cette juste deux sensation ans. de Ce on va faire une qui suite prend pour. beaucoup de temps, c'est de trouver le concept Oui, après et le jeu, de toute façon, de. Voilà. le jeu a démontré qu'il était bien plus qu'un simple 1.5. Ah bah clairement, oui. On peut évoquer par contre, alors plutôt que de reparler de Super Mario Galaxy 2 en long, large, en travers, parce qu'on a déjà évoqué le Le premier. 1. On peut juste dire qu'il est meilleur que le 1. C'est la suite. Dans le Plus non, et dans difficile le aussi. level design, etc. Après, il y a le côté on n'a plus l'aspect découverte, etc. Mais dans le level design, c'est juste une trouvaille par niveau et c'est et enfin là-dessus, il est exceptionnel, quoi. Tu peux pas, enfin, il Alors, n'y a pas mieux, quoi. il y a quelque chose que j'aurais voulu évoquer avec vous, c'était le DVD qui était vendu avec Ah, le le jeu. fameux. Donc, beaucoup ont crié au scandale, mais c'est honteux, Le didacticiel. on veut enlever tout l'intérêt au jeu, on veut nous donner toute la solution, etc. Alors, c'était en fait une aide, hein. C'était une aide de jeu, si j'ai bien compris, Toon, c'était une aide de jeu en fait par rapport à Super Mario Galaxy 2, qui était proposée donc en série, évidemment. C'était pas une édition spéciale, mais c'était en série avec Super Mario Galaxy 2. J'ai pas le souvenir de ça en fait. C'était quoi le principe du Ben DVD? non, mais je me souviens pas du DVD Il y qui avait pas, était. ou alors Non, mais c'était il y avait un le DVD, il super me semble, guide. sur certains. Non, mais sur. Ouais, il y avait un DVD avec. En fait, c'était une sorte de didacticiel du jeu pour les gens qui ne savaient pas y jouer. C'était pas le C'est super pas le guide. super guide. Non, il y avait un DVD dedans D'accord. où Alors on j'ai te confondu, disait excusez-moi, j'ai confondu pour avec le super sauter, guide. appuie. Ah! D'accord, bah tant mieux pour les gens qui savent pas jouer. Je sais pas, j'ai pas le souvenir de ça. Par contre, il y avait le super guide avec. Par contre, oui, il Il y y a avait le effectivement super le super guide. guide dont on va reparler tout à l'heure, mais Ah. c'est justement, ouais, Mario Galaxy 2, c'est l'introduction du super guide, si je me souviens bien. Il était pas dans Exactement. New Super Mario Bros? Si, oui, il me semble, non? Il était dans New Super Mario Bros, il me semble. Dans la nuit super. Ah, peut-être, oui, Ouais. bah à ce moment-là, oui, c'est Et après, on l'a je suis trop retrouvé. de Et Mario après, on l'a là. retrouvé dans tous les gros jeux Nintendo. Ouais. C'était une super idée, je trouve, mais on en reparlera tout à l'heure. Si vous le voulez bien, Suspense. bien évidemment. Metroid Other M, alors une autre licence Nintendo qui reprend le principe des premiers épisodes, notamment les épisodes Super NES, NES et En Super plus NES. action quand même. Et qui n'a pas été fait par Retro Studio quand même, ce qui est à signaler. Oui, parce que c'est la Oui, Team parce que Ninja. sinon ils Team l'auraient fait en Ninja. 3D. Voilà. Mais oui, c'est la Team Ninja, développeur de Ninja Gaiden, entre autres. Et du magnifique jeu à haute teneur ludo-éducative, Dead or Dead or Alive. Dead or Alive, Extreme Beach Volley aussi. Exactement, Tout Dead or à Alive. fait, Ne voilà. pas oublier. Gotti. Un grand jeu ludo-éducatif. Surtout pour étudier l'anatomie féminine. Ouais. Ouais, enfin, c'est pas super réaliste quand même, Ah oui, mais non, mais oui, mais c'est sûr. Alors, Mais on voit bien les rebonds. Chino, c'est des puces avec ce jeu. Bande d'enfoirés, va. On ne dira pas comment, on vous laisse Voilà. deviner. Il À n'y votre avait pas d'Oumott imagination. à l'époque. Donc, Metroid Over M, donc, mon voilà, cher. Metroid Other M, en fait, donc c'est un jeu qui renoue avec les principes de la série avant que Retro Studio ne reprenne magnifiquement le flambeau. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, il a été pas mal décrié, même énormément décrié par la critique et même par les joueurs qui n'ont pas forcément apprécié Ouais. ce qu'on avait fait de Metroid Other Est-ce M. qu'il y a... c'était plus action que les Metroid C'est moins recherche. originaux? On sortait du côté aventure pour revenir sur un côté exactement Plus rentre dedans. plus rentre dedans, tout à fait. Moi, vraiment, j'ai commencé le jeu, j'ai fait la première partie du jeu, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que je me suis vraiment attendu à quelque chose de bien en dessous de ce que j'ai eu devant les yeux. Et c'est un jeu, alors, c'est un jeu qui se joue uniquement d'ailleurs à la télécommande. Donc vous restez donc la télécommande, vous la prenez de façon horizontale avec la croix directionnelle à gauche et les deux boutons à droite. Donc là vous avancez normalement, il y a un bouton pour sauter, un autre bouton pour tirer. Non, pas un autre bouton pour tirer, justement parce que pour tirer, il fallait pointer l'écran donc de la télévision avec la télécommande. Et donc c'est à ce moment-là où on passait en vue subjective et ça nous permettait de viser les ennemis qui apparaissaient à l'écran. Alors il fallait réussir à jongler en fait entre les différentes vues, entre le fait que voilà que Samus Aran pouvait toujours évidemment se transformer, utiliser la Morph Ball pour passer dans les endroits les plus exigus. Alors Effectivement, ouais. à certains moments j'ai eu un peu de mal parce que je me suis retrouvé bloqué. Même déjà dès le début du jeu, tout début du jeu, on se retrouve bloqué, on sait pas forcément ce qu'il faut faire. Donc j'ai pas trouvé sur cer à certains points de, sur à certains moments du jeu par exemple très intuitif sur la marche à suivre. Après j'ai vraiment retrouvé l'ambiance qui était celle de notamment de Super Metroid pardon, qui m'avait Ouais, ça avait agréablement l'air plus marqué à proche l'époque. des anciens Metroid, mais en même temps, un peu plus d'action. Il faut pas oublier non plus au niveau de la narration que ça a pas mal changé parce qu'il y avait des cinématiques ce coup-ci aussi. Il y a des cinématiques et surtout on n'était pas seul parce qu'on est habitué à voir une Samus Aran Voilà, qui exactement. est seule dans son environnement, dans l'environnement qu'elle découvre en même temps que le joueur. Et là on se retrouve dans une base avec des personnages qui nous suivent, qui nous épaulent, mais on se retrouve souvent séparés d'eux, hein, donc on retrouve un peu ce côté solitaire sur le jeu. Mais on n'est pas seul puisqu'il y a d'autres éléments humains qui sont avec nous dans le jeu. Alors après, j'ai pas terminé le jeu, donc je peux pas dire si à un moment ou à un autre il y a une vraie collaboration qui est marquée entre les deux, mais c'est voilà, c'est ce qui démarque un peu le jeu des autres jeux de la série. Que dire de plus? Grande nouveauté, Samus s'est coupé les cheveux. Oui, on la voit. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que Samus Aran, on sait que c'est Samus Aran dans les jeux précédents, on savait que c'était une fille uniquement au moment où elle mourait. C'est-à-dire que dans le souvenir qu'on a notamment sur Super Metroid, c'était le moment en fait où la combinaison explosait et tu découvres finalement que c'est une fille sous l'armure. Et là, en fait, on le sait dès Après, le si t'avais fait le départ. premier, tu le savais déjà normalement, mais. Oui, voilà, mais là on Ouais. le sait tout de suite, c'est-à-dire qu'on n'attend pas. Dans les premiers jeux, c'était pas forcément un élément qui était indiqué. Il fallait finir le jeu, et Voilà. encore même, je crois qu'il fallait finir le jeu dans certaines conditions, et à ce moment-là, tu voyais que c'était une C'était nana, une fille, mais. voilà, et même dans les Metroid Prime, tu le voyais uniquement par rapport au reflet du casque. Bah, elle était pas muette normalement dans les Metroid Prime? Je sais plus. Si. Si, elle parlait pas, hein, c'est ça. Je crois, j'ai un doute Il me là-dessus, semble hein. que oui. Ouais. Enfin, il me semble qu'elle parlait pas. Mais donc c'est un. Après, je comprends tout à fait les critiques qu'il y a eu par rapport à ce jeu hein, sur ce qui a été sur ce qui a été présenté au niveau des défauts. Mais j'aurais quand même envie de donner une chance et de donner aussi aux joueurs qui ont envie de s'y investir d'y aller sans problème. Surtout que là encore, on est sur des jeux qui sont disponibles vraiment à des prix peu élevé, on peut le trouver Ou une. je pense que pour une quinzaine d'euros maintenant on le trouve le Metroid Ouais. Over M. Même un peu moins je pense à mon avis, mais si on fouille bien et qu'on cherche, on le Là, trouve à une quinzaine je d'euros. vois sur Amazon, il est à 13 euros, quoi. Donc, Bon bah voilà, ouais. Donc il est facilement trouvable à des prix très très abordables. On va continuer donc sur cette année 2010. On va dérouler cette année 2010 avec Mais une des déroulons. déroulons avec GoldenEye 007. Un très bon remake, bien réussi. C'est pas tellement un remake, c'est plus un reboot ou enfin c'est un épisode différent. Ça reprend. Avec un skin de Daniel Craig. Ouais. Ça c'est dommage d'ailleurs parce que Pierce Brosnan Ah bah donne meilleur. t'as les questions de droit, mon cher, hein. Mais oui, non, mais tout à fait. Et ça reprend la trame du film, etc. Mais c'est pas les mêmes niveaux, ils sont pas structurés pareil, etc. Et bah au final c'est un vraiment bon FPS sur Wii avec une très bonne jouabilité et un bon multi avec quelques défauts, une réalisation un peu pas terrible, mais c'est vraiment un FPS pas mal sur Wii. Enfin s'il y a un FPS on va dire classique Call of Duty à acheter. Et bah, il y a du Call of Duty, mais il y a GoldenEye aussi, il fait partie des meilleurs, quoi. C'est Activision hein, qui est derrière le jeu, hein, Exact. qui a édité le jeu. Exact. Voilà. Et c'est Treyarch qui réalise le jeu, je Ouais, crois. donc qui a l'expérience naissante Expérience autour de la. de la Wii, puisque c'est eux qui ont développé tous les Call of Duty sur Wii. Et qui sont passés après sur les versions HD. Exact. On peut évoquer rapidement Sonic Colors, même si c'est pas. Alors, c'est Bah, meilleur un. épisode de la gêne, quand même, Ouais, voilà. de la génération. Oui, parce qu'on a eu. Oh, Alors, c'est vrai. Generations était bien aussi. Oui, alors oui, mais Oui. Generation arrive après au niveau. Chronologique. Au niveau chronologique, merci. Parce qu'on a eu quand même des Sonic qui étaient vraiment. Le Sonic, alors il y avait un Sonic, le Sonic Garou. Ouais, Pas le mais chanteur, mais sur le le. Sonic Garou, les phases de Sonic classique étaient pas mal. C'était les phases de Garou qui étaient à chier. Sonic Unleashed. Ouais, oui, Unleashed. Où Oui, exact. ça reprenait en fait voilà, ce principe, bah, le même principe que dans Colors, dans Generation, où on voit en 3D derrière Sonic, c'était ces phases-là qui existent en Sonic fait Colors depuis. m'a vachement donné envie, pareil, mais Ouais, c'est mais un de ces jeux qu'il faut que je me fasse. il est très très joli et les petites bêtes là, je sais plus comment ça s'appelle. Apparemment, ça ressemble. Ils sont vachement inspirés de Mario Galaxy pour pas mal de Ouais, mais choses. en Les fait c'est dans chaos, un parc c'est pas les d'attractions, chaos, c'est pas les chaos. Non. c'est sur une planète parc d'attractions et Oui. que Docteur Robotnik nous a, sur lesquels nous a, il nous a invités gentiment. Et en fait bah, c'est un Sonic relativement classique dans la forme, à part que cette fois on a des pouvoirs qui viennent de petites bestioles de couleurs. Chaque couleur nous donne un pouvoir différent. Ah Et oui, euh, alors et alors je. il y a un truc foreuse par exemple. Enfin, il y a différents trucs qui varient un petit peu le gameplay et le jeu est vraiment très sympa. Je vois ça, donc les Sonic sur Wii, il y avait eu Sonic et le Chevalier Noir. Oui, Ouais, le Sonic mémorable. and the Black Mémorable. Knight Tout et le monde se souvient. Sonic and the Secret Ring qui était sorti. Il était sympa celui-là. Ouais, il était vraiment sympa et c'était un peu conte des Les mille mille et et une une nuits. nuits. Et c'était sorti dans les premiers mois de la Wii. Ouais, c'était au tout Ou début, je me demande Même même si c'est au pas les premières lancement. semaines. Je crois que c'est au lancement. Ouais. Et il était vraiment très sympa. On tenait la Wiimote sur façon NES et on tournait avec la détection de mouvement et ça marchait plutôt bien. En fait, c'est. Tous les Sonic enfin, qui sont arrivés par la suite, ils ont repris un peu cette vue de 3D, enfin cette vue de dos de Sonic, avec on court très vite dans les couloirs, machin, et on essaye de choper le plus d'anneaux Les possible. couloirs. Bah ouais, parce que c'est ça au final, c'est des couloirs avec des embranchements, etc. Et Sonic Generation, c'est comme ça qu'il marche, même si. Maintenant, enfin, c'est plus dynamique, ça revient des fois en 2D, ça passe en 3D, etc. Ah, Sonic Generations, c'est bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est vrai que c'est un de mes gros coups de cœur de l'an dernier. Et voilà, bah, les deux, là, Sonic Colors et Sonic Generation, c'est les deux meilleurs représentants du hérisson sur cette génération. C'est pas tellement dur, mais. Oui, il y Oui, a il eu faut bien dire pire. que cette génération a achevé de détruire la Bah, figure pas tant que ça, mythique parce du que regarde, Sonic. là c'est les derniers qui sont sortis avec les Sonic 4. Et tu regardes les derniers qui sont sortis, en fait, c'est les meilleurs, quoi. Disons qu'en fait, il y a eu Sonic, entre-temps, il y a eu Sonic 2006, celui qui est sorti sur PS3 et 360, qui est tout pourri et qui a créé un petit peu le mème du Sonic Cycle. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui, bah oui, voilà. Oui. Bah, il y a eu les Sonic. Ah non, c'était sur la génération précédente, les Sonic Heroes. Oui, oui. Il était un peu. Il était pas super. On va terminer cette année 2010 avec deux gros jeux qui sont donc sortis sur Wii, d'ailleurs exclusivement sur Wii. Parce qu'on a d'abord Disney Epic Mickey. Alors cette année 2010 c'était Epic et parce qu'on a, on a utilisé le terme à de nombreuses reprises sur les jeux précédents. Mais on a eu donc le fameux retour de Mickey sur une console. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on l'avait Ouais. pas vu. Et Park surtout Jun dans. Function, je crois, non, c'est ça le studio. Par Junction Point. Par le Ah, voilà. studio de Warren Spector. Ouais, Warren d'accord. Spector, Junction Point Monsieur et Deus Ex, enfin voilà. voilà. Et qui a introduit un peu comment dire Tout à fait. son thème préféré dans le dans les jeux vidéo, la possibilité de choix. Et influe sur l'histoire, etc. Que dans Epic Mickey, Mickey utilise un pinceau qui permet soit de peindre, soit de diluer les éléments du décor, enfin diluer, de faire disparaître les éléments du décor ou les ennemis, ou enfin plein de choses. Et du coup, selon tes actions, avec soit la peinture, soit le diluant, ça fait pas forcément, enfin, ça fait quelque peu varier l'histoire. Mais c'est surtout ça fait varier les résultats de tes quêtes et du coup enfin t'as plein de badges, plein de trucs à débloquer et pour finir le jeu à 100% il faut faire l'histoire 3 fois par rapport à ça et que une fois utiliser de la peinture, une fois du diluant, etc. Et c'est comme ça je continue parce que vous avez pas l'air de J'ai pas vouloir joué parler. surtout donc J'ai pas joué non plus J'ai hein. testé, moi j'avais testé à l'époque, c'était la Paris Games Week, et j'avais bien apprécié ce principe de pinceau, notamment le fait de pouvoir faire apparaître des plateformes qui n'étaient pas visibles initialement. Le fait aussi de retrouver finalement l'univers de Mickey, j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était Mickey Mania sur Super NES, Ah ouais. qui reprenait tous les tableaux de Steamboat Willie notamment. Et donc j'ai beaucoup aimé ce côté. En fait, Disney Epic Mickey, je trouve qu'il apporte un côté nostalgique. Ah, Tout, clairement, bah tout. avec la présence d'Oswald. Oui, voilà. Avec Oswald, avec les petites. Il y a aussi des petites séquences cachées de plateforme où tu te retrouvais en fait en 2D. En tout cas, C'est vu de entre côté. chaque niveau en fait, Ouais. ça cache des temps de chargement en fait. T'as des trucs de plateforme comme ça. Et j'ai eu un très bon a priori sur le jeu. D'ailleurs, j'ai pour avoir testé la démo du second épisode, qui est lui, cette fois, multiplateforme, j'ai retrouvé un peu ce côté, bah, le côté qu'on apprécie de rentrer de nouveau dans l'univers de Mickey, avec plein de nouveaux personnages, des personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, des personnages qui ne sont pas forcément les personnages principaux que l'on connaît de l'univers Disney, mais qui sont tout aussi appréciables dans le jeu. Et c'est une vraie. Je trouvais que c'était une très bonne idée, une très bonne chose que de revoir Mickey sur les consoles actuelles. Les consoles actuelles, notamment la Wii. Et je voulais dire aussi, faire référence, il y avait eu un super protège Wiimote Oui, c'était pas un protège, une extension en plastique en fait Donc, de la Wiimote. et du Nunchuk, en fait, c'était des pinceaux. Donc, c'est comme si tu avais deux pinceaux, un pinceau dans chaque main pour le jeu. Donc, c'était vraiment super bien pensé comme accessoire, quoi. Je vais juste continuer un peu dessus parce que moi c'est mon gros coup de cœur de la fin d'année en fait et T'en avais beaucoup j'ai parlé à l'époque, je me souviens. ouais j'en ai énormément parlé parce que alors le jeu a déçu énormément de monde parce que il y a des gros défauts dans le jeu et en fait il était assez old school dans l'idée. Et en plus, il avait eu le défaut de montrer. Alors, au début, on avait vu des artworks. Oui. Qui était, enfin, ça donnait, c'était de la, c'était une peinture dans un univers très sombre, etc. Bah moi, c'est ce à quoi je m'attendais, et personnellement, j'avais été un petit peu déçu ensuite quand j'ai vu les premières images du jeu. Ouais. Bah, alors, les toutes premières images du jeu étaient très moches et, enfin, très très différentes de ce qu'on pouvait avoir dans les artworks. Et en fait, ils ont retravaillé le jeu graphiquement et ça se rapprochait un peu plus, même si c'était pas toujours ça. Mais au final, dans le jeu, il y a une vraie touche. Un vrai côté peinture. Quand on regarde Mickey dans le jeu, quand on le regarde bien, régulièrement, t'as des gouttes de peinture qui s'envolent de son bras ou de ses oreilles, etc. Et tu regardes le grain, il y a un vrai grain peinture, il y a une vraie touche. Et le jeu, enfin, au niveau de sa direction artistique, il est monumental, quoi. Le travail qui a été fait là-dessus, il est absolument génial. Le jeu, voilà, il est vraiment très très beau. Et en plus, donc il y a ce côté artistique. En plus, les musiques, c'est des musiques dynamiques et tout qui s'adaptent à l'action et qui sont, c'est du Disney, quoi. Ça c'est forcément génial. Et après, le jeu a été beaucoup critiqué par rapport à ses caméras. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, sa caméra, c'est une caméra automatique, parce que on n'a pas de deuxième stick sur la Wiimote, donc c'est toujours chiant. Donc c'est une caméra semi-automatique. Et dans les endroits assez exigus, elle a tendance à faire un peu n'importe quoi et elle est vraiment très très chiante. Ça, c'est clair. Sauf que. Les gens sont restés, enfin beaucoup de gens sont restés sur leur première impression de la première demi-heure, heure de jeu, qui est un long couloir en fait. Ça fait office de tutoriel et c'est un long couloir. Et ce qui fait que la caméra elle est super chiante dans ce passage-là. Mais une fois que t'as passé ça, t'arrives dans des endroits beaucoup plus vastes et où t'as plein de choses à faire. T'as vraiment pas mal de trucs et là la caméra est beaucoup plus libre et elle s'adapte beaucoup plus facilement tout simplement et du coup je pense que les gens sont restés beaucoup sur cette première impression et que ça en a fait fuir beaucoup et malheureusement parce que le jeu derrière c'est un très très bon jeu et c'est en fait ça me fait c'est pour moi c'est pas juste un jeu de plateforme 3D, c'est un jeu de plateforme 3D aventure. Comme on en faisait au temps de la 64. C'est-à-dire il y a vraiment le côté aventure, plein de choses à faire dans les niveaux, beaucoup plus libre, beaucoup plus, je sais pas comment on pourrait dire, mais un peu comme Banjo et Kazooie quoi. On arrive dans un niveau, il y a plein de choses à faire. T'es pas dirigé ou quoi. Tu vas dans tels endroits, tu décides de récupérer tels objets ou des trucs comme ça. T'as une vraie liberté d'action, voilà. Et c'est le joueur. Et pour moi, c'est vraiment ça. On retrouve l'essence de la 64 dans ce jeu. Avec les défauts que ça comporte, comme les caméras, les trucs comme ça. Et dans la jouabilité aussi, parfois c'est un peu rigide. Dans le saut, c'est un peu pas lunaire, mais enfin. Parfois, ça manque un peu de précision, mais dans l'esprit, dans l'exécution, dans la réalisation, c'est un pur jeu 64 avec une direction artistique de dingue, des musiques de dingue et l'univers de Disney en plus l'univers qui est c'est le côté désolation de Mickey, enfin tout ce qu'on a oublié de Walt Disney en fait. De ce qui a été fait avant Mickey ou pendant, mais qui a été oublié. Et il y a tout ce côté-là qui est. Rien que pour ça, c'est un jeu à faire, quoi. En plus, t'as des vidéos, t'as des vieux animés à débloquer, à regarder, t'as des artworks, t'as pas mal de petites choses comme ça, et qui te poussent un peu à aller plus loin. Et puis l'histoire est sympa. Et voilà, c'est un vrai. Enfin, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Même si, ouais, il a plein de défauts, il y a des gros défauts, la caméra, c'est chiant. Mais quand on arrive à passer outre, c'est un super bon jeu Et un gros gros travail de Junction Point, de Warren Spector. Et pourtant, c'est pas le. Oui, je sais pas ce que je voulais dire, pardon. Si, si, donc c'était pas le dernier jeu de la Wii, parce qu'on a eu également, en cette toute fin d'année 2010, le très très bon, très dur Donkey Kong Country Returns, donc développé cette Là fois par Retro rétro. Studio. Ça a étonné énormément de monde. Enfin, Alors qui. ils l'ont annoncé à l'E3 Ah, j'étais 2010, hein, sur donc le cul. six J'étais mois sur le avant, cul. ils l'ont annoncé à ce moment-là. On se doutait qu'il allait y avoir un nouveau Donkey. C'était dans les rumeurs, de toute façon. On se doutait que Retro Studio allait présenter un nouveau jeu, parce que ça faisait un moment que ils bossaient plus sur Metroid Prime, parce que bah il y avait eu le Metroid Other M Et puis de surtout gars qu'ils avaient avec les annoncé bouses. depuis longtemps que leur Ils l'avaient trilogie dit de était toute terminée. façon, Hein. hein, dès la fin de la trilogie Prime, ils arrêtaient, Ouais, ils ou alors bossaient ils plus mettaient de dessus. côté, mais voilà. Mais ouais, ça a surpris énormément de monde de voir. En plus, personne s'attendait. Enfin, tout le monde s'attendait plus à voir genre un Donkey Kong 64, c'est-à-dire en 3D. Même un truc à Jungle Beat, enfin, ou une connerie comme ça, Ouais, mais. ouais. Ouais. Oui, un truc vraiment pas un Donkey Kong, enfin un Country. Voilà, ça faisait. C'était un truc qui appartenait à Rare. Ça avait plus été fait depuis la SNES. Personne pensait à un retour Mais ouais, mais de cette façon. j'étais sur le cul, et pour moi, c'était vraiment un des gros temps forts de cette E3 avec la présentation de la 3DS. Mais c'était vraiment, enfin, je me rappelle, j'ai vu le trailer, je suis oh, putain, mythe, quoi. voilà, et j'ai toujours pas joué, mais c'est ça le grand drame, en fait. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il reprend le principe des jeux sur Super NES, Donkey Kong Country Return, les Donkey Kong Country, donc qu'on retrouve même d'ailleurs dans le nom. Et j'ai pour y avoir joué même à deux, j'ai vraiment beaucoup apprécié le côté coopération. Alors même si le fait de devoir faire certaines actions, de devoir secouer le nunchuck et la télécommande, c'est pas forcément Oui, apparemment, ça fait bah, chier quelques personnes, ça. C'est ça pas fait chier forcément. quelques personnes, mais enfin c'est des réfractaires de base à la Wiimote, parce que Oui, voilà, ouais. mais quand Les Cyril Drevet du jeu vidéo. Voilà, mais quand tu, enfin, il balance souvent comme argument que ça, tu perds en précision. Mais en fait, non, justement, Retro Studio a eu l'intelligence. Par exemple, pour les roulades, on doit secouer la Wiimote. Ils ont eu l'intelligence de faire, quand on secoue, il y a un léger laps de temps, en fait. Enfin, ils l'ont étudié exprès pour que tu puisses tu puisses secouer ta Wiimote, et hop, ça démarre la roulade. Enfin, c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais au niveau du timing, il n'y a aucune perte de précision, en fait. C'est juste, il y a un timing à respecter, et soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans, mais y a, enfin, voilà, ils ont étudié le truc pour que tu perdes pas de précision sur ces mouvements à la Wiimote. Et d'ailleurs, c'est très. Enfin, ça a été fait très intelligemment de la part de Retro Studio. Et puis graphiquement, il est super super CD comme jeu. Ouais. Il y a des Et animations, c'est ah magnifique. ouais. Et le fait de se retrouver aussi, tu te retrouves catapulté au second plan, parce que tu fais pas Ouais. attention, un peu Mmh. comme En dans ombre Mutant chinoise. Mud, t'as un peu le même principe où tu te retrouves sur la plateforme au fond. Je trouve ça dynamise le jeu, ça apporte vraiment une vraie plus-value au niveau du jeu. Après, t'as la difficulté qui a été mise en avant, mais c'est Grosse, grosse finalement un. difficulté. Hein. Comment? Grosse, grosse difficulté. Oui, Oui, voilà. apparemment, le jeu est pas facile. Le Hein. jeu est vraiment dur. Hein. Mmh. Mais enfin, voilà, c'est. Au niveau du level design, c'est juste un chef-d'œuvre, ce jeu, au niveau de la plateforme 2D. C'est millimétré, enfin, il y a du time trial, c'est complètement dingue, la marge de progression énorme que tu as. Enfin, les idées dans les niveaux, il y a plein d'idées et tout, dans tous les sens. C'est au niveau de la plateforme 2D, pour moi, c'est le meilleur représentant de cette génération, et même depuis très très longtemps, sur console, quoi. Tout à fait. Un excellent jeu encore de Retro Studio qui fait décidément que de très bons jeux. Bah, c'est vrai que jusqu'à présent, ils ont encore déçu, quoi. Il n'y a pas exactement. Tout le monde maintenant les considère comme le nouveau Rare. Bah ouais, un peu. Des années 90. Un peu, oui. Hein. Tout à fait. Oui, c'est bon, Rare de la vraie époque. Quoi, pas le Rare de maintenant? Oh là là, c'est très vous avez bien pas Kinect suivi ces jeux Adventure. Kinect, hein. Kinect Adventure, c'était magnifique. C'est un must-have, absolu. Ouais. Alors je vous propose de passer à l'année suivante sur un enthousiasme BA. Bonne année, l'année suivante. Voilà, voilà, bonne 2011. Année 2011. Ou alors on propose ça une troisième ça va partie être plus sinon, si vous rapide voulez. là. Proposons ça pour une troisième partie ou on continue on part Moi, je sur... Bon, écoute, au point où on en est, on fera une cinquième partie. Bah, hein. On termine les jeux pour la deuxième on partie. On peut finir et... la liste des jeux, ouais. Ouais, et voilà, on on peut terminer faire le je débat pense. Pour la troisième. On finira sur le troisième, d'accord. Donc 2011, alors on a eu le droit à deux Kirby, Eh une ouais. spéciale dédicace HKO. Donc le premier, finalement le plus Atypique. original, atypique, donc c'est Kirby au fil de l'aventure, Kirby Epic Yarn en VO. Qu'on a donc qui a été présenté, c'est pareil, hein, à En même l'E3, temps, ouais. En même temps que Donkey Kong. donc exactement Exact, ouais. l'E3 2010, hein, avec un rendu graphique très très joli, fait en C'est très bizarre tissu, aussi. en fil de Ma laine, couture. En c'est ça. coton et ouais. Alors très très Mercerie, facile, quoi. hein. Bah, c'est un Kirby, donc c'est une des spécificités, c'est que certains jeux sont quand même très très faciles. Celui-là, voilà, il est vraiment. C'est plus, tu vois, c'est pas forcément un jeu pour un jeu à défi, mais c'est vraiment un jeu à découvrir un univers en fait, avec un jeu en coop aussi qui est bien installé. Alors j'ai oublié le nom du personnage qui. Flu ou quelque chose, fluff. Et c'est pas ce jeu-là où à l'origine Kirby Le n'était prince fluff. pas. Si, alors en fait, c'est à Voilà. base, c'est Goodfield qui a proposé le jeu. Qui a proposé un jeu avec le prince fluff, si je crois. Donc, qui n'était pas du tout Kirby, mais c'était avec ce style fil de coton, tissu, etc. Et ils l'ont proposé à Nintendo. Et Nintendo, ils ont dit, bah ouais, pas de problème. Et puis au bout de quelques temps, ils se sont dit, mais ça serait cool de mettre Kirby là-dedans. Et puis ils ont mis Kirby et ça a fait ce jeu. Et donc à la base, oui, c'était pas Kirby, mais ils ont réussi à l'intégrer. Ils ont réussi aussi à. Parce que c'est. Ça va pas plaire à Chino, mais c'est un des seuls Kirby où ils n'avalent pas. Voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire, mais tu l'as dit de façon tellement élégante que. La poésie, mon cher, la poésie. Surtout que t'as mis Chino Dès dedans, qu'il donc. s'agit d'avaler, de toute façon, hein, toi, tu sais y Voilà. faire, Non, quoi. mais où il n'utilise pas son pouvoir d'absorption. Il l'explique au début. Voilà, c'est son Ah, explication c'est expliqué dans carrément? le style graphique. Ouais, c'est ce que. Alors, pour savoir, il faut que Vas-y, tu je veux écoutes le savoir. podcast Kirby avec Shkao. Oh, bah d'accord, mais j'écouterai le podcast Kirby comment avec ils teasent? Shkao. Et ben. Le podcast est tellement complet que bah, pour savoir ce qu'il y a à savoir sur Kirby, Faut il y faut aller. l'écouter. Le Le pod, Kirbyverse, mon cher, le le pod, Kirbyverse! Le Kirbyverse. podcast, ouais, il se suffit à lui-même, tout à fait. Du coup, par contre, le deuxième, Kirby Adventure Wii. Bah, il a une histoire très spéciale, hein. Il me semble que c'est pas un jeu GameCube ou un truc comme ça qui a À été. la base, c'est un jeu GameCube, ouais. Voilà, exactement, c'était Et ça, ouais. qui avait disparu des plannings, et puis Des radars, ouais. Qui a réapparu à l'iCube 2011. Un peu par surprise, genre, ah, un Voilà. Kirby! Ah tiens, on a ça dans les tiroirs, bon ben on vous l'offre pour Noël. C'est ça, on le sort dans Voilà, 6 mois, et y a puis plus le voilà. jeu, c'est bon, on arrête. Donc voilà, on a un Kirby en stock. Bon, voilà, on le sort. Oh, voilà, on le sort. Ouais, c'est ça, ça sera juste le deuxième dans l'année, mais Voilà, sinon ça va. voilà. Ouais, c'est assez marrant. Mais oui, ici, il y avait l'anecdote aussi que vous pouvez retrouver dans le podcast Kirby. De Comment Kirby ils le en. vendent, son podcast Kirby? Mais C'est non, pas mais possible. il On va est être obligé de tellement bien, l'écouter, c'est pas il est possible. tellement bien que de toute façon, faut l'écouter. Mais Kirby au fil de l'aventure, c'est le premier épisode sur console de salon depuis le Kirby 64. Enfin, c'est le premier épisode Kirby de canonique, on va dire. Depuis le Kirby 64 sur console de salon, donc Voilà. c'est-à-dire en 15 ans. C'est ça, il y avait une différence. Il y avait 15 ans, il y a 15 ans entre la sortie de Kirby 64 et la sortie de cet épisode sur Wii en 2011. Parce qu'il y a eu un Kirby il parle de l'épisode canonique parce qu'il y a eu Kirby sur GameCube, Kirby Air Airburn, Ride. je crois, ou un truc comme ça, Air Ride. Air Ride, donc Ouais. Air Air Ride, Ride, ouais. qui n'a rien, voilà, qui sort complètement du contexte Kirby, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un jeu de plateforme, mais dans un espèce de jeu de course Des étoiles fuyantes. assez bizarre, assez Ou même spécifique, pas. assez Non? original, on va dire, Ouais. dans l'approche. Mais ça, pour en savoir plus, Chino, faut que tu ailles écouter Écoutez le fameux le podcast. podcast Kirby avec l'excellent Chaos. Alors, il y a une tendance, donc on a eu en 2011 la tendance du retour de Kirby. Il y a eu une grosse tendance qui a commencé en 2011 et qui a continué sur 2012. C'est le retour des RPG. Ouais, le retour des Voilà. RPG qu'il faut Ouais. En le temps de fait, une traduire. Et... trilogie. Voilà. Une Et si on dit, trilogie oh de tiens, il n'y a pas des RPG. RPG sur Wii, oh, ben Et on va c'est en faire un surtout mix pour la fin. ce qui est impressionnant, c'est qu'on a eu trois gros RPG, surtout Trois des trois meilleurs gros RPG de la bundles. génération, quoi. Ouais, en plus. Il y a eu trois. Il y a eu vraiment un travail qui a été fait de la part de Nintendo, pardon, pour mettre en avant les jeux. Qui Là, est... clairement, parce que c'est. Donc, les trois jeux, c'est Xenoblade Chronicles, The Last Story et Pandora's Tower. Donc, The Last Et en Story et fait. Pandora Tower sont sortis en 2012. Voilà. Et en fait, donc Xenoblade Chronicles, c'est développé par Monolith. Monolith Software et Tetsuya Takahashi, c'est-à-dire Xenosaga, Xenogears. Et Baton Kaitos. je vais y arriver. Monolith Software, c'est aussi Baten Kaitos. Donc des gens qui savent à peu près À ne pas développer confondre avec des. l'autre monolithe. Ouais, Parce qui est un peu différent. qu'il y a Qui a fait The Condemned. Ouais, Qui a fait notamment, Blood, et qui a mec. fait Fear. Aussi, oui. Fear, le Et. premier était bien. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec. Voilà, parce que Et ça n'a rien c'est à pour voir ça que je avec. disais à ne pas confondre. Et Monolith Soft, donc, qui avait été racheté à l'époque de Baten Kaitos 2 par Nintendo, et enfin qui était rentré dans les parts de la société, et qui depuis donc développe pour console Nintendo, et du coup qui sont quand même des gros spécialistes du RPG japonais, et qui ont sorti Xenoblade, et donc ça a été voilà, Nintendo était allé chercher pour sortir ce jeu. Il y a The Last Story qui a été développé par Sakaguchi, donc père d'FF entre autres, voilà, avec son studio Mistwalker, qui est pareil après donc Sakaguchi a eu un contrat avec Microsoft, donc pour lesquels il a développé Blue Dragon Le et Odyssey. Lost Odyssey, l'excellent Lost Odyssey. Ouais, c'est très bien. Et c'est pareil, du coup, il y a eu embrouille entre les deux parties, et Nintendo est passé par là et a dit, ah tiens, viens développer un jeu sur Wii. Tu vas donner The Last Story. Donc pareil, Nintendo a été les chercher. Et Pandora's Tower, alors ça a été développé par... J'ai perdu le nom. C'est quoi comme studio? J'ai perdu le nom. C'est un super studio qui fait plein de jeux super. Et Dans non, sa vécu, je vais là. retrouver le nom, c'est Gambarion. Gambarion. Qui a fait des jeux. Des jeux! Des jeux! Bravo! Voilà. Putain, je Non, savais pas! alors, Podcast à haute Je teneur croyais que vous faisiez des informative. chaussures, moi! Non, ils ont fait les. Enfin, moi, je les retiens principalement pour ça, c'est les Jump Superstar et Jump Ultimate Star. Ah ouais. Et bah Les oui. Smash Bros. Like sur DS. Et ils ont fait principalement de l'adaptation de One Piece. Notamment les Oui, deux One voilà, ouais, One Piece sur Piece. Wii. Énormément Les de One Piece, je trois vois One ça, Piece. Et Unlimited Adventure, Unlimited Cruise et voilà. Et du coup, ils ont fait Pandora's Tower. Et Pandora's Tower qui se révèle être une très grosse surprise. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment Nintendo, parce que donc Nintendo est détenteur des trois licences. C'est eux qui ont été chercher chacun des développeurs pour faire cette trilogie de RPG, qui ont en soi rien à voir entre eux, mais qui était là vraiment en effort pour ramener des, comme on dit, des gamers dans le giron de la Wii, mais bon, ça a pas trop marché. Mais il me semble que Xenoblade s'est quand même bien vendu. Il me semble qu'en France, il s'est pas mal vendu. Xenoblade, je crois, il se rapproche du million. Ouais, c'est celui des trois qui s'est le plus vendu, je crois. Ouais, c'est celui des trois qui s'est le plus vendu, clairement. Il faut dire qu'il a eu un sacré buzz à l'époque, hein. Il a été vraiment poussé par le fait que le jeu était très bon, hein. Alors, il a eu un sacré buzz pour ça. Il a eu un sacré buzz aussi parce que c'était Monolith. Et parce que c'était le premier des trois gros RPG. Et au final, parce qu'il y a eu des rumeurs à l'époque comme quoi il sortirait jamais en Europe et que c'était un scandale. On avait vu plein de news et plein de commentaires de gens dire: Ah, mais c'est scandaleux, c'était le jeu que j'avais envie d'acheter pour ma Wii et tout. Puis au final, quand il est sorti, ben, on a bien vu que ouais, c'est juste des mots en l'air et que il Après, n'y a pas grand monde qui l'a acheté, quoi. j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal déçu, mais Non, c'est Non, The Story qui non, a énormément déçu. c'est The Ah Last oui, Story, ouais. je croyais que tu Qui parlais a de The énormément Story, déçu. non, non, c'est Xenoblade, je me rappelle, il y en a énormément de personnes qui disent que c'est le meilleur JRPG de Non, cette mais génération. c'est ma faute, je pensais Ouais. qu'il parlait de The Last Story, en fait. Je suis Non, pas non, trop The Last trompé. Story a énormément déçu beaucoup de gens, hein, Xenoblade, c'est 800 000 unités dans le monde. Ouais, ce qui est un score pas mal quand même pour. Un score vraiment pas mal pour une nouvelle licence en Bah, JRPG nouvelle licence qui sort sur Wii exclusivement, donc voilà, c'est. parce que maintenant les RPG japonais, il faut le dire, c'est quand même un genre de niche, hein. À Bah, part c'est au Japon, passé, je veux dire, maintenant c'est un genre du passé un petit peu, hein. quand tu bah, c'est ce que les gens c'est l'idée que les gens s'en font, Bah, il faut c'est-à-dire dire que qu'ils ont l'idée maintenant, on. de Final Fantasy, de Dragon Quest, Oui, voilà, qui sont pas c'est-à-dire que, forcément ouais. les RPG les plus innovants que tu puisses trouver, Oui, quoi. c'est ça, c'est que, à part les canons, enfin, Dragon Quest et Final Fantasy, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que le genre pédale dans la semoule. Mais bon, après, c'est un autre débat, on va pas non plus leur faire. Non, bah, là, on pourrait faire un podcast dédié, Oui, voilà! mais non, enfin, c'est pour dire, en Xenoblade, comme tu disais, c'est considéré par beaucoup comme le meilleur RPG japonais JRPG, ouais, voilà. de cette génération. Le jeu, c'est ça se déroule sur, enfin, tu comment dire? L'histoire se prend place sur un espèce de géant qui est figé. En fait, c'est deux géants qui sont l'un en face de l'autre, et on les considère comme les dieux de ce monde. Et on vit dessus. Et ce qui fait qu'on a des décors absolument immenses, c'est complètement dingue. Tu vois, t'es sur un bout de bras d'un géant, tu vois l'autre géant en face, au fond, qui se dessine et tout. Enfin, c'est complètement hallucinant comme décor. Au niveau de la direction artistique, c'est super beau. T'as des espaces immenses, des grandes zones. Là-dessus, c'est une vraie prouesse technique pour la console, parce que t'as vraiment de très grandes zones. T'as finalement assez peu de baisse de framerate, à part dans les gros combats où il y a plein d'effets, d'ennemis et tout. Mais sinon, non, c'est un vrai RPG où t'es libre d'aller. C'est super grand. T'as un système de combat qui est vraiment très bon, qui est du semi-temps réel, très, très action. Avec plein de combinaisons, tu peux combiner avec tes coéquipiers, etc. Il y a pas mal de possibilités. Le jeu est super riche, il y a des quêtes annexes. Moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu dégoûté du jeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le problème, c'est qu'après, au niveau des quêtes, bah, ça finit par tourner en rond, et c'est un peu des quêtes FedEx. Oui, C'est-à-dire, les quêtes annexes, ouais, ça c'est trouve tant vraiment. de peau de mouton, trouve tant de Genre de truc bien machin, chiant, quoi, les voilà. quêtes FedEx, ouais. Et malheureusement, ces quêtes annexes, elles sont un peu pas obligatoires, mais presque, parce que c'est ce qui te fait monter en XP. D'accord. Après, tu peux faire tu peux faire du leveling classique, mais Oui, du autant le faire farming, ouais. voilà autant faire dans les quêtes, parce que tu gagnes plus, et au final tu tabasses des monstres de la même façon. Donc voilà, mais L'histoire est excellente. Il y a une fin absolument dingue. Quand on parle de jeu épique, Xenoblade, la fin de Xenoblade, c'est ultra épique. Il y a des scènes de dingue. Et le chara-design est génial. Les musiques sont géniales. Il y a énormément de choses. Il est super riche. Il est très long. Et moi, le seul problème que j'ai eu avec ce jeu, c'est que il y a un très très gros problème de rythme en fait. Au début, donc on avance dans le jeu, l'histoire démarre et tout, il faut l'introduire, ça prend un petit peu de temps. Et puis arrivé à une quinzaine d'heures de jeu, tu commences à faire des quêtes annexes, l'histoire n'avance plus tellement, tu fais ça pendant 15 heures, tu fais ça pendant 20 heures, j'ai arrivé à 45 heures de jeu. Ah putain, ça commence à bouger, mais c'est trop bien là. S'il se passe des trucs de fou et tout. Et puis au bout de 5 heures, ah bah merde, en fait, ça mène vers un truc encore plus fou, mais je dois passer encore 15 heures à farmer et tout. Enfin, tu perds énormément d'intérêt, et puis après, bah, le final, et t'arrives, enfin, moi je suis arrivé à 60-70 heures de jeu. Et c'était le final et à chaque fois j'avais un combat et je me disais ah ça c'est le dernier combat, puis non, il y en avait encore un autre derrière, etc. Et au final tu passes 5-10 heures à te dire ah mais ça c'est le combat final, bah non. Et en fait c'est super lent, il y a un très très gros problème de rythme, j'ai trouvé. Alors beaucoup ça les a pas dérangés, moi ça m'a posé un gros problème au point que j'ai un peu laissé tomber sur les 20 dernières heures de jeu, j'ai laissé tomber les quêtes annexes. Et c'est là où j'ai eu un gros problème, c'est que je me suis retrouvé face au boss final. Et j'avais un problème de niveau, c'est-à-dire que j'étais pas assez fort. Et j'ai essayé pendant 3 à 4 heures à essayer de le battre, j'ai pas réussi, j'ai laissé tomber. Parce que, en plus, si je reprenais ma sauvegarde précédente, retourner 4 combats en arrière et je me le sentais pas de les refaire, donc j'ai regardé la fin sur internet, la dernière cinématique qui est d'ailleurs vachement bien, mais le jeu m'a énormément frustré pour ça. Alors c'est mon cas, je sais qu'il y en a énormément que ça a pas dérangé. Ils l'ont pas ressenti comme ça, mais moi clairement ce problème de rythme il m'a énormément frustré, il m'a gâché la fin du jeu. Et d'autant plus que, on en parlera après, The Last Story, c'est tout le contraire. Il est super bien rythmé et je l'ai fait juste après. Et ce défaut de rythme dans Xenoblade m'a paru encore plus évident après The Last Story. Très bien, donc on a quand même pas mal survolé cette année 2011. J'ai failli oublier de parler donc de Legend of Zelda Skyward Sword, donc qui est le deuxième Zelda de la Wii. Effectivement, ouais. Si bah, le vrai Zelda, genre. Le vrai Zelda, ouais, parce que y en a certains qui peuvent te dire que Twilight Princess, c'est pas un Zelda Wii. C'est un jeu GameCube. Pas ça, ça a été quand même développé à l'origine pour la GameCube. Après, ça a été passé sur Wii parce que, voilà, fin de vie de la GameCube, fallait un jeu de lancement, bon bah. C'était beaucoup trop risqué de le sortir que sur GameCube pour eux, parce que ça veut. La GameCube, bah, c'était tombé au moment du lancement de la Wii, quoi. Donc, voilà, donc ouais, bah, ils ont la GameCube profité. Était quasiment complètement abandonnée à partir du moment où la Wii est sortie. Donc, ils ne pouvaient pas le sortir uniquement sur GameCube, c'est sûr, et il fallait un gros jeu pour le lancement. Donc, Mais comme le dirait Romain, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, c'est alors. Putain, tu le fais vachement bien. Eh, t'as vu? Le Zelda, donc il était le Skyward Sword, pardon, était trouvé graphiquement sympa. Sympa, ouais. Je peux pas blairer cette direction artistique. Bah, après, le truc, c'est qu'il a été un peu. En fait, il est un peu bâtard. C'est-à-dire qu'il c'est est ça, entre je le. Ça bâtard, je voilà. ça entre... C'est-à-dire qu'ils ont voulu. Ils ont, allez, maintenant, l'épisode Wind Waker a été super bien considéré, mais qu'ils ont pas voulu y aller trop dans le cell shading. Ils se sont dit, allez, on va faire un rendu un peu bâtard, un peu réaliste, mais encore un peu cell shading. C'est pas bâtard, c'est juste que, enfin, ça a une vraie direction artistique, Mais ça pâtit énormément de la faiblesse technique de la Wii. Ah oui, bah ça, de toute façon. Le même jeu, enfin, fait sur Sur PS3 ou Dolphin. 360, ça tue la tronche et je pense Non, mais que tout sur le monde Dolphin, applaudit. même Hein. sur l'émulateur Même, Dolphin. oui, même sur Dolphin, il passe carrément mieux. Mais je veux dire, travailler réellement avec les capacités des consoles HD de maintenant, c'est plus le même jeu, je pense. Parce qu'il y a, y a un vrai, y a une vraie touche dans le jeu et il y a. Il y a cet espace d'impressionnisme en fait, où c'est par petits points, on va dire, voilà, c'est de l'impressionnisme, et qui fait que bah, sur une Wii, ça passe mal parce qu'il y a de l'aliasing et ça pète tout. C'est l'argument en ce moment, que j'ai vu pas mal sur les forums, en disant des gens qui disaient ouais, le jeu est moche et tout, c'est vachement aliasé. Attends, c'est impressionniste quoi. Non, Le non, non, truc, mais c'est c'est que pas ça, après, tu peux. c'est une vraie volonté, hein. C'est une vraie volonté, c'est juste que, bah ouais, sur Wii, bah ça le fait pas, du coup, ils se sont plantés là-dessus, quoi. Après, le Mais truc, c'est après, que tu peux c'est. exploiter la puissance. Après, tu peux, enfin, la faiblesse, on va dire, de console, ça peut être de façon balancée avec une direction artistique irréprochable. Là, le problème, c'est que comme ils ont voulu y aller trop, peut-être aller trop fort, et puis Mais finalement, ça a pâti. au-delà de la direction artistique, c'est le premier Zelda qui sort en fait et où j'en avais strictement rien à foutre et juste là et jusque maintenant j'ai toujours pas envie d'y jouer quoi et je sais pas je sais pas si ça me concerne je sais pas si c'est que moi ou si c'est par rapport à d'autres gens mais j'ai vraiment l'impression que je veux dire je ressens rien avec ce jeu quoi enfin même Twilight Princess, au moins, il m'a donné envie. Je l'ai pas aimé au final, mais il m'a donné envie. Après, j'ai presque envie de dire que Twilight Princess c'était autre chose parce qu'il y a tout un contexte derrière. Rappelle-toi, Ouais. à l'époque, c'était avec le super trailer, ouais, épique, Voilà, c'est machin. ça, avec la Là, musique il y de avait un Conan. contexte derrière. Skyward Sword, faut quand même dire que derrière, il y a eu la déception de Twilight Princess qui a été prise en compte. Et que nous, derrière, enfin, après, Après, personnellement, tous les derniers Zelda, je les ai plus ou moins trouvés naze, mais Rappelle-toi surtout sur DS, mais. comment a été balancé Skyward Sword un petit peu. Bon voilà, on a Je m'en rappelle Skyward plus trop, Sword, mais. on a eu trailer, on se fait ah c'est ça, c'est ça. Bon après il y a la démonstration qui était pas mal, même s'il a été Ah, un t'es peu. foiré au début, je crois. Oui, C'était il a ça été marchait pas. Miyamoto, il a perdu le pointeur de la Wiimote Ouais. sur Exactement, ouais, scène. c'était ça en fait. Mais oui, après, bon ben voilà. C'est Après. l'après Twilight Princess, hein. Après, dans. Enfin. Dans le. Comment dire? Dans le game design, il y a quand même. Il y a. Apparemment, ils ont changé des choses. Ils ont fait un truc moins linéaire et il y a une volonté quand même de bouger un petit peu les codes de la série, d'après ce que j'ai C'est ce compris. que Ce que j'aimerais j'aimerais bien bien. qu'ils fassent, mais parce que j'aimerais bien une fois pour toutes, en fait, qu'ils arrêtent de. Enfin, on a un peu l'impression qu'ils se reposent vraiment sur ces acquis, en fait, qui datent déjà d'Ocarina of Time, de Wind Waker, tout ça. Et j'aimerais bien qu'un jour, il y ait un Zelda qui sorte et qu'il y ait le même coup de pied au cul que l'arrivée de la 3D à l'époque, tu vois. Après, il Et faut quand même dire c'est que difficile, hein. c'est Bah difficile, après, c'est sûr, mais. parce que enfin, il y a tellement d'attentes derrière cette série enfin, Zelda, on parle toujours de Zelda-like. C'est des codes bien précis et c'est quand même difficile de bouleverser quelque chose comme ça, En quoi. fait, j'aimerais bien un Zelda avec une dimension un peu plus épique, puis même un côté un peu plus, je veux dire, qui ajoute de la profondeur un petit peu dans l'univers, dans le. Enfin, je demande pas un Skyrim, mais enfin un truc un peu plus poussé peut-être à ce niveau-là, au niveau de l'exploration, enfin au Bah, il faut niveau quand des même trucs à s'y aller faire, au que niveau de. Skyward Sword est quand même moins scolaire que Twilight Princess au niveau de la structure. Parce que là où Twilight Princess était vraiment très très très très très scolaire sur des rails avec les donjons, les boss qui sont dans les Les donjons où tu vas donjons, prendre c'était à le chier. et tout le tralala, Skyward Sword sort un petit peu des rails. Le problème c'est qu'il y sort peut-être pas assez. C'est-à-dire que c'est vraiment Elle se oui. retrouve le cul entre deux chaises, en fait. Exactement. C'est-à-dire que tu auras quand même les donjons, tu auras quand même des passages. T'as les codes de Zelda, mais t'as des trucs qui s'y détachent un peu, mais pas assez. Et moi, ce qui m'avait fait chier à un moment, c'était les passages où tu récupères les perles. C'était des perles, non, il me semble. Hein. Oh, ça, je supporte plus dans les Zelda. depuis Mais Twilight. je pense que tout le défi du prochain, ça va être de conserver enfin, ce qui fait l'identité de Zelda, mais en même temps d'essayer de le faire évoluer à un autre niveau, quoi. Bah, il Enfin, va falloir voir s'ils ont envie. Il y a un truc aussi, oui. c'est que s'il y a Mais une envie de enfin, ça. je veux dire, après, on parle beaucoup en ce moment de, je veux dire, l'influence qu'a eu par exemple un jeu comme Skyrim sur les développeurs japonais. Est-ce que ce serait Les pas développeurs sympa? japonais, c'est pas Nintendo, hein. J'y crois Oui, pas je sais, trop, bien hein. sûr. Moi, Parce franchement, j'y crois que. pas trop de l'influence de Skyrim sur un Zelda, par exemple. Moi, je crois que Nintendo, ils vont faire un Zelda. Enfin, ils vont faire un Zelda comme ils ont toujours fait. Après, Non, est-ce que. enfin, moi je pense qu'ils vont, ils vont essayer de faire un truc. Un vrai jeu d'envergure, parce que. Tout C'est le ce qu'ils monde. attendent, de toute façon, c'est ce qu'on En fait, attend, hein. tout après, le façon, monde. Ils vont annoncer un Zelda sur Wii U. Je vais acheter la Wii Bravo! U et je vais être déçu, quoi. Mais Mais non, mais. c'est. Je le vois arriver, quoi. Parce Mais. qu'on a eu beaucoup de rumeurs ces derniers temps de. Retro Bah. Studio va développer Zelda, Non, Tel mais Studio moi. va développer Zelda. Non, je pense pas. De toute façon, je pense Mais pas, non, clairement, non. je pense que, et c'est une habitude qu'a Nintendo depuis assez longtemps, mais c'était plus sur des jeux un peu moins importants, on va dire, c'est que ils font beaucoup de co-développement. Et à mon avis, comme par exemple exemple très récent, Mario Kart 7. Les certains circuits, c'est Retro Studio qui les a fait. Voilà. Une partie du multi, c'est eux qui l'ont fait. Et beaucoup de jeux, en fait, ils utilisent l'expertise de plusieurs studios. Ils se retrouvent à développer leur jeu à 3-4 studios. Et je pense que pour Zelda, c'est exactement ce qu'ils vont faire. C'est que Retro Studio va certainement bosser dessus. Ça va pas être le développeur principal, mais ils vont co-développer. Ils vont apporter leur influence occidentale. Ils vont prendre, comme Smash Bros par exemple, où c'est Namco Bandai qui co-développe avec HAL. Et c'est ils prennent l'expertise de certains studios pour l'intégrer dans leur jeu. Et à mon avis, le prochain Zelda, ça va être comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs studios qui vont se greffer sur le projet. Et ils vont faire un truc, à mon avis, de grande envergure Bah, c'est ce qu'il faut, je pense que cette série a besoin d'un vrai nouveau souffle en Bah, il France. faut que. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'ils en ont pris conscience. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Skyward Sword, mais ils se sont plantés dans la direction et dans la volonté, enfin dans ce qu'il fallait changer. Et je pense qu'ils en ont pris conscience et qu'ils vont aller plus dans de nouvelles directions, sur le prochain Zelda. Mais il faut pas oublier que justement dans les rumeurs, le prochain Zelda serait le plus gros projet jamais. Ah, c'est les Ouais. premières rumeurs qui étaient sorties, que le Zelda Wii U serait le plus gros projet de Nintendo jamais fait, apparemment. C'est ce qui Ah, était. ça serait pas ça serait Ce serait pas pas. Ce ça serait toute pas façon, con. bah, je veux dire, Ce serait pas une grosse surprise en même temps, hein, parce que. De toute Non, façon, clairement. je vous fais part de mes exigences de ce que je voudrais voir sur le prochain Zelda, mais. De toute façon, déjà rien que la démo technique qu'on a vue sur Wii U, s'ils présentent ça, c'est sûr que je vais acheter. Enfin, en même temps, voilà, c'est Zelda, quoi. Après, Et c'est là enfin, qu'on se retrouve avec un truc en première personne. c'est ça. Non, Non, mais je pense pas. ils peuvent faire un jeu de ce style graphique-là. Si c'est ce qui s'est passé avec Twilight Princess, Mais il me semble qu'ils si avaient dit que ils non. gardent exactement la même structure et qu'ils font pas bouger les choses, Il me ça va semble faire pareil qu'ils ont dit qu'ils que. s'inspireraient pas de cette démo Les technique pour le. premières rumeurs disent que ce serait pas du tout du toi enfin du réaliste entre guillemets et que ça Bah, se rapprocherait ouais. plus du mélange un petit peu de Skyward Bah, le Sword. problème, c'est que oui, enfin, je pense qu'ils font ça surtout pour brouiller les pistes et que Bah oui. à l'heure actuelle, on ne le sait pas vraiment et peut-être que même eux, ils ne savent pas réellement. Ah bon, on va se retrouver avec Wind Waker 2. Bah, ce serait bien. Oui. Tout est bien, Wind Waker. Sans le bateau, Oui, cette sans le fois-ci. bateau, Bah, Ah si, le bateau, c'était sympa au début. non, c'était Au début, chiant. tu fais bien de dire au début. Merci. Voilà pour Zelda. Pour le domaine Voilà, il y a beaucoup de Zelda choses à en dire sur fait. Zelda. Romain se réveille. Ouais, non, mais je vous écoutais attentivement sur ce que vous disiez sur le jeu, Avec passion avec passion et et émotion. émotion et écoute surtout. On va passer maintenant à l'année 2012. Déjà? Déjà, oui. On est passé donc de 2006 à 2012 en quelques heures. En deux mots vite fait, Ouais, mais deux mots, ça va pas être assez pour nous avec parler Tonton. de The Last Story et de Pandora's Tower. Ah oui, bah, je pensais à l'autre jeu, moi. Pandora's Tower, je l'ai pas encore fait. Oh, très bien. Et c'est ça a été une bonne surprise pour beaucoup de monde. Ça utilise très bien la Wiimote et parce que bah c'est en fait dans le jeu le héros il a une arme avec une chaîne. Un peu comme un fouet mais en plus polyvalent. Et apparemment ça exploite très bien la Wiimote. Et le jeu c'est un enchaînement de donjons en fait. Où tu dois récupérer du cœur des ennemis parce que ta petite amie se transforme petit à petit en monstre et pour survivre en fait elle doit bouffer le cœur des méchants. Niam. Et ça la fait redevenir enfin ça ralentit la transformation en fait en monstre. Et en fait, bah, ça repose énormément sur cette enfin une ambiance assez glauque. Et cette histoire entre les deux personnages qui est vraiment apparemment qui est très très forte et il y a des scènes vraiment enfin glauques et très prenantes notamment quand la fiancée mange les cœurs et tout et qu'elle se transforme petit à petit T'as aimé ça, hein? Bah, j'ai pas encore fait donc je Ah, peux bah pas te dire oui. mais en tout cas ouais c'est vraiment ce qui ressort du jeu. Un gameplay très solide une ambiance et des scènes marquantes. Et The Last Story, je vais essayer de faire court. Vous pouvez retrouver mon test sur Podcastination. Comment qu'il fait son teaser? Non mais je crois pas. Non, Non mais là il non, se laisse du temps pour le non, jeu d'après en fait. pour faire très rapide, donc c'est Sakaguchi. Tout le monde l'attendait sur ce jeu, beaucoup ont été déçus parce que je pense qu'ils attendaient pas les bonnes choses. On s'attendait à un nouveau Final Fantasy, ni plus ni moins, quoi. Une nouvelle Ouais, IP, genre peut-être. mais alors justement, ce que Sakaguchi a déclaré, c'est que tous les FF, tous les jeux qu'il a fait avant, il commençait par écrire l'histoire, l'univers, etc. Et après, il faisait le gameplay. Et là, il a fait l'inverse, il a commencé par développer le gameplay. Et après, il a greffé une histoire, etc. Et c'est vachement important parce que tout le jeu, en fait, repose sur ce gameplay qui est, enfin, pour moi, c'est l'avenir du JRPG, enfin, un des avenirs du JRPG, mais c'est le gameplay est pas parfait, mais il est très très bon. Il est super dynamique, très tactique, parce qu'il y a énormément d'interactions avec tes coéquipiers. T'as un système vraiment tactique, surtout contre les boss, qui est très important où tu peux tendre on va dire des pièges, tu peux faire des leurres, etc. Il y a plein de choses à faire, plein de sorts à combiner, d'attaques, etc. Et le gameplay est très dynamique et tout le jeu repose là-dessus. Enfin, une grande partie du jeu repose là-dessus. Après, ce qu'on lui reproche, c'est son histoire qui est banale. Enfin, voilà, c'est pas. Enfin, l'histoire tient debout. Elle est relativement correcte, mais elle est un peu gnangnan. Elle est un peu ce qu'on reproche à beaucoup Bah ouais, il y a de beaucoup de JRPG. clichés, beaucoup de Et très boss. japonais, quoi. Pff, Voilà. voilà. Japonais, comme on dit Mais là. En dehors de ça, enfin. Le jeu est super rythmé. Il fait, enfin moi je l'ai fini en 25 heures, je crois. C'est, ça arrête pas tout le temps. T'as pas de baisse de rythme. Enfin, t'as des baisses de rythme, mais c'est voulu et c'est jamais trop long. C'est juste ultra maîtrisé et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi bien maîtrisé au niveau du rythme. Et c'est ça qui te fait que même si l'histoire est banale. Bah, tu vas jusqu'au bout parce que ça t'emmène et que y a pas de temps mort, il y a pas de y a les révélations sont bien éparpillées, on va dire, dans l'histoire du jeu. Voilà, on s'ennuie vraiment jamais, quoi. C'est ça arrête pas et beaucoup lui reprochaient cette durée de vie relativement courte, mais bon, Chrono Trigger, il faisait cette durée de vie-là, pardon. Et pourtant, c'est un excellent jeu. The Last Story, c'est pareil. C'est relativement court, mais ça arrête pas et on s'ennuie jamais. Et c'est excellent. Et il y a un autre point qui est très important dans ce jeu et qui, enfin, moi, je l'ai très peu vu cité dans les tests ou enfin dans les avis que j'ai vus en général de la presse. C'est que bah t'as vraiment l'impression de faire partie de l'équipe, quoi. T'as toute une bande de mercenaires, et t'as l'impression de faire partie du groupe. Je pense que c'est la première fois que ça me fait ça dans un jeu, de me sentir aussi immergé dans un groupe, dans une équipe. Et c'est d'autant plus important dans un RPG où bah t'es constamment avec des potes pour t'épauler et tout. C'est super important dans les combats, ça se parle tout le temps. Quand tu vas à la taverne, il y a des vannes qui se lancent, t'as l'impression de connaître les personnages, de discuter avec eux et tout. C'est vachement bien. Et dernier point, les musiques qui sont... alors pas toutes, elles sont pas toutes excellentes. C'est Uematsu qui fait quand même un bon travail. C'est pas sa meilleure BO, mais c'est quand même une super BO, et le thème principal est absolument magnifique, et voilà, et ce jeu est très très très bon, je trouve. Bah, très bien. D'accord. Parfait, on a fait un peu le tour du triptyque RPG de cette fin de vie de la Wii. Mmh. Alors moi, je vais terminer sur un jeu qui tient à cœur à... qui tient pas mal à cœur à Toontoon. Beat the Beat Rhythm Paradise. Qui commence par un B et qui s'appelle Beat the Beat Rhythm Paradise. Bien sûr. Voilà, ce jeu qui tient tant à Toontoon, c'est très bien. Il est très bien. Ah oui, il est très bien. Mais en plus, il est très bien parce que je sais qu'il a c'est un grand fan déjà de la version DS. Et celui-là, c'est plus toi qui te tire à cœur. Enfin, t'es plus adepte de la série que moi. Oui, monsieur, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Que moi j'adore, mais je suis tellement nul, enfin j'ai tellement pas... Tu es tellement nul, voilà, ça veut tout dire. Que je... Bon, ça joue à Wii, hein, tu sais. Hein. Pardon. Ouais, donc je voulais dire, Beat the Beat Rhythm Paradise, donc c'est de la même famille que Rhythm Paradise qu'on avait eu sur DS. La série des Rhythm Tengoku, ouais. Exactement. Ouais. Le premier Rhythm Tengoku sur GBA. Sur DS. Sur GBA. Sur GBA. Sur GBA, le premier. Celui-là, c'est le Rhythm Tengoku Gold. De mémoire. Donc, le Beat the Beat, ça reprend exactement le même principe. Sauf que, voilà, on est sur Wii cette fois. Alors, ils avaient fait une belle promo, je trouve. Là, c'est pareil, j'ai été assez impressionné de la part de Nintendo pour la promo qu'ils ont faite sur la fin de vie de la Wii. Entre les RPG, le Zelda Skyward Sword aussi, qui avait eu un droit à un packaging spécial avec une... Ah ouais, avec la Wiimote dorée. Mm-hmm. S'il faut que j'achète rien que pour la Wiimote, en fait. Ouais, mais en fait, là, il fallait l'acheter dès le début, parce que là, il est introuvable. Là, ça n'existe plus. Et donc, Beat the Beat avait été notamment présenté sur un énorme stand à la Japan Expo. D'ailleurs, Nintendo avait fait, c'était le grand stand qui vampirisait le reste des stands au niveau du jeu vidéo, puisqu'il y avait un stand spécifique à Project Zero 2 dont on n'a pas parlé ici. Il y avait la scène principale, et donc il y avait notamment, entre autres, un stand énorme sur Beat the Beat. Donc il prend le même principe des épreuves qui sont en soi... Le WarioWare du jeu de rythme, en fait. Mais exactement. C'est-à-dire que tu as face à toi des jeux qui n'ont ni queue ni tête, au niveau du contexte, au niveau du principe, mais en fait tout se base sur le rythme, et donc sur la capacité que tu as à répéter le rythme qui t'est proposé par les actions que tu as à faire. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu... notamment sur DS, tu peux, une fois que tu as compris le principe, tu peux limite y jouer les yeux fermés, parce que tout va se faire vraiment à l'oreille. C'est-à-dire que tu vas appuyer au rythme, mais c'est la musique, en fait, qui va te faire mieux comprendre à quel moment il faut appuyer sur les touches. Tu peux évidemment te baser sur l'écran, mais c'est vraiment l'oreille qui va tout faire pour réussir ou non une épreuve. Et donc tu conserves un peu la même structure, c'est-à-dire que tu as d'abord trois épreuves distinctes, et ensuite tu as un medley des trois épreuves, ensuite tu passes à trois autres épreuves, etc. etc. Et vraiment, c'est le genre de jeu. Alors sur DS, c'était vraiment intéressant, même si tu pouvais vraiment y jouer que tout seul. Mais là, tu as vraiment un côté convivial où tu peux faire des épreuves à deux. Donc tu peux comparer des scores à deux contre deux. Tu peux faire l'un contre l'autre, etc., etc., etc. Chose intéressante aussi sur ce jeu, c'est qu'ils ont proposé donc la version française qui reprend comment dire, des voix anglaises. Mais tu peux aussi choisir la version japonaise. Donc ils ont laissé le loisir aux joueurs de choisir la version qu'ils souhaitaient. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée qui n'est pas suffisamment reprise à mon goût. Que dire de plus? Bah, on Bah, pourrait peut-être aussi dire que ce Beat the Beat Rhythm Paradise a eu l'intelligence de ne pas jouer sur la gimmick de la Wiimote, c'est-à-dire on aurait pu ouais, avoir un jeu il faut à la secouer con où on comme bouge sur les mains. DS. Voilà, où on bouge les mains pour faire les, enfin, pour être en rythme. Et là, ils ont préféré laisser le bouton plutôt, ce qui est plutôt intelligent, je Ouais, trouve. parce que c'était le gros défaut du jeu sur DS, c'est que ça utilisait le stylet et ça perdait en précision, là où c'est un jeu vraiment où il faut être très très précis. Et du coup, ouais, comme tu dis, ils ont eu l'intelligence d'utiliser A et B comme sur la version GBA pour jouer tout simplement. Tout à fait. Alors, tu veux évoquer peut-être en deux petits mots Beat Trip Oui, hein, deux Deux petits petits mots mots, comme ça, en 2 minutes. tu veux qu'on aille dormir et puis après on revient quand il a terminé, c'est ça? C'est la version la plus complète Attention, c'est parti. de la série Beat Trip. Et Beat Trip qui était sorti à l'époque, donc six jeux sortis par Gaijin Games et édités par Axis sur WiiWare. Et qui étaient des jeux arcade un peu rétro avec enfin, qui jouaient beaucoup sur la musique. Et là, Beat Trip Complete, c'est la série, tous les épisodes mis dans le même dans la même galette avec pas mal de bonus et enfin plein de niveaux en plus, des niveaux de difficulté, des leaderboards J'aurais et des jamais deviné vu vidéos le titre. explicatives et tout. Mais non, parce que t'as Beat Trip Saga aussi. Tu veux que je te parle de Beat Trip Saga? Qui va sais bientôt. pas, Et ce qu'on a toute d'ailleurs, la nuit là. Beat Trip Saga qui va sortir pour 15 € sur l'eShop de la 3DS. C'est parti. Voilà. Et Runner Mais moi, 2 me qui suis arrive fait du bientôt. PC, tu sais très bien. Runner 2 qui arrive bientôt, qui est en préco sur Steam, à moins de 10% avec Beat Trip Runner en cadeau. Toon, le Pierre Bellemare de Beat Trip. Putain, c'est clair. Ah oui, clairement. Voilà. Donc, faut acheter. Ils vendraient Non, leur mais mère pour ça, quoi. Beat C'est Trip incroyable. Complete, t'as 6 jeux merveilleux avec plein de bonus et tout ça pour moins de 30 €. Attends, Hein? mais tu n'as. Merveilleux. Mais quelle Attends, mais affaire! tu as oublié de. Tu as oublié de signaler la sortie de Beat Trip Void aujourd'hui sur Steam. Oui, à moins 10% en plus pour l'occasion. Et Attends, on peut trouver autre chose. voilà. Et Beat Trip Void, en plus, il est génial ce jeu. Et donc, faut l'acheter. Voilà. Mais prenez la version complète. En fait, prenez toutes les versions. Ça Voilà, sera plus simple. prenez toutes les versions Il y sur en tous les a, il y en a, il systèmes. y en a sur, il y en a sur WiiWare, il y en a sur 3DS, il y en a sur Steam, il y en a sur iOS. Tout acheter. Prenez tout et donnez un pourcentage à Toon. Non, mais non. Prenez tout et donnez à Gaijin. Tant qu'ils me font des jeux, moi, je m'en fous. Achetez-les Cet homme est un tous. homme simple. On a pu Voilà. voir quand même sur ce magnifique dernier jeu, pardon. Que la Wii a quand même connu énormément de. Post-transition. Ouais. J'essaye de. Mais attends, c'est le host, hein, c'est normal, c'est son boulot, Ah hein. ouais, c'est le patron, quoi. Le boss? Donc c'est. Non mais c'est quand même pour montrer quand même que la Wii, c'est pas seulement les jeux Mario, c'est pas seulement Mario Kart, c'est pas seulement New Super Mario Bros. Wii, c'est pas seulement Super Mario Galaxy. Il y a quand même pas mal d'excellents jeux. De tout domaine, de tous éditeurs, de tous développeurs qui était intéressant ici dont il était intéressant de parler, puisqu'on a passé ouais, pas loin de, je pense, pas loin de 5 heures, hein, juste à À mon présenter. avis, ouais, on doit pas être loin des 5 heures. Juste à présenter les jeux, hein, je parle pas du reste, hein. On a fait un petit historique au Bon, on début. a quand même fait un Rapide, historique, rapide, mais hein. voilà. On a passé 4 heures, hein. Rappelez-vous, il y a 5 heures. C'est ça. Il y a 5 heures en direct. Donc on a pu évoquer aussi bien du PES, on a pu évoquer The Blob, un très Little bon King jeu, Story, Little King Story, Animal Big Trip Crossing, Company, Mad Memory World, World, Mad Metroid World, Prime Memory Rose, Rose, Silent Hill, Muramasa, que Epic de Mickey, Epic Mickey, Donkey Kong Country Returns, donc The l'RPG aussi. Conduit. Et on peut évoquer aussi quelques WiiWare comme Lost Wind, Fast Racing League, Hydroventure, Megaman 9, World Mega of Man Goo, 9, Cave Story, La Lightline, Mulana, Dr. Muscle Mario, La March aussi. Mulana qui est le dernier grand jeu de la plateforme, World of Goo, et puis plein, sur Contra WiiWare il y a eu plein Rebirth. plein de jeux. Et Si, il y avait aussi, ça on en parlait tout à l'heure, le Muscle March. Il y a eu Muscle Ah March oui, il y a aussi. le Ouais. jeu UP. Et tu sais qu'avec un pote, on y a un petit peu joué. Torse nu? Ouais, torse nu et tout. Bien sûr, oui. Le muscle saillant. Et en maillot de bain, en Oh mon Dieu, banana hammock. je ne peux même pas imaginer la scène. En banana hammock. Et vous avez joué à Chouaniki après ou Non, non, non, mais on aurait pu. Puisqu'il est disponible sur. Bravo! Oh là là! Bravo! Voilà. Tout ce commercial. Et non, mais Muscle March, on a regardé sur le journal de. Du hard! Sur le compteur C'était nul ça chez de nous. la C'était Wii. très nul. C'est comme d'hab, C'est j'ai comme pas d'habitude, relevé. oui. Et on a fait quand même 25 heures sur ce jeu. Oh mince. Alors que c'est juste un jeu où on court et on passe à travers des murs. C'est juste ça le truc, quoi. On court et Ouais, on alors. passe à travers des murs Oui, non, par avec contre, des faut. types ou des meufs bodybuildés ou même il y a même un ours. Oui. Un ours polaire. Non, il faut dire aussi qu'il faut adopter en fait une forme spécifique, en fait, une attitude Ouais, spécifique par avec rapport à. la Wiimote et le Nunchuk, on prend la forme de la personne qui est passée dans le mur devant nous, donc qui Mettons par prend des exemple, poses de le bodybuilder. bras droit le bras droit levé, le bras gauche baissé, quoi. Ouais, par Voilà, ouais. exemple, ou. Voilà, ça va de plus en plus vite et il y a tout un univers autour qui est légèrement fou. Et bah on s'est bien marré et on a passé 25 heures sur un jeu où on court et on casse des murs. Et voilà, toun, mesdames, messieurs, voilà, 25 heures sur Muscle March, ça veut tout dire. Est-ce que tu as calculé le nombre d'heures totales que tu as fait sur J'avais lancé un topic sur Gameblog où on mettait nos temps de jeu. Oh mince. Mon Dieu. Et j'avais un peu Tu t'es halluciné seul? au moment où je l'avais fait, sauf que depuis, ça a encore augmenté. Oh mon Dieu! Et je compte pas, mais alors mon mes 5 jeux les plus joués, ils dépassent tous les 200 heures, je crois. Sans compter les parties de Football Manager sur PC, bien sûr. Ouais, mais on parle que de la Wii, ça fait quand même que ta Wii est quand Tout même à très fait, très de la très bien Wii et organisée. enfin après il y a c'est beaucoup de voilà les jeux qui sont devant, il y a le premier Mario Galaxy, il y a Wii Il y a Beat Sports, il y a Trip. Wii Sports Resort, Beat Trip, non, j'ai pas fait 200 heures quand même dessus. Quand Mais même. Bizarre. Tu me déçois là. Là, tu me déçois franchement. Non, c'est 150. Ça coûte Non, pas, mais hein, bon, tu sur Beat m'étonnes. Trip Runner, j'ai quand même fait une trentaine d'heures. Ouais. Oh, ça va. Voilà, je sais plus, il y a Xenoblade, mais Xenoblade, moi j'ai fait une centaine d'heures dessus, et puis j'ai un pote qui a fait une partie dessus aussi. Pareil pour Monster Hunter, en fait, moi j'y ai joué une trentaine d'heures, mais lui, il a joué 150 heures. Punaise. Voilà, il y a quelques. Enfin, après, il y a beaucoup de jeux qui sont autour des 40-60 heures par là. Et puis après, bah, ça descend. Mais oui, il y a beaucoup de jeux chronophages. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est parce que donc, on a nos temps de jeu dans la chaîne Nintendo, on a nos temps de jeu. Et on peut voir aussi les jeux les plus joués. Et on peut voir que Animal Crossing est quand même très très élevé. Parce que bon, il y a quand même Animal Crossing, je crois, c'est 20 millions de jeux vendus dans le monde. Et que quasiment toutes les Wii connectées fournissent leur temps de jeu. Et Animal Crossing, alors de mémoire, ça fait longtemps que j'ai regardé, mais il doit être à plus de 100 heures. Donc ça veut dire sur sur une moyenne de, enfin sur 30 millions d'utilisateurs, non sur 20 millions d'utilisateurs, un peu moins, parce qu'il y a des Wii qui sont pas connectés ou qui n'ont pas donné l'autorisation de récupérer les données. Ça veut dire qu'en moyenne, on va dire, allez, sur 10-15 millions d'utilisateurs, il y a en moyenne 100 heures de jeu. Ce qui est assez, assez colossal, quoi. Et c'est le cas pour plusieurs autres jeux, comme bah, les Wii Sports ou des jeux comme ça. Fire Emblem aussi est beaucoup, beaucoup joué. Voilà, c'était mon point un peu chiant. Par contre, on peut dire quand même que la Wii est une console fiable parce que. Ah, bah ça, oui. À moins d'avoir changé. Ça dépend sur quel point. Mais ouais, parce que le lecteur, je pense, c'est un des plus gros. Enfin, il y a un problème avec la pâte thermique pour la carte graphique, je crois. Pour les premières. C'est arrivé à pas mal de monde qui est. Qu'elle fonde en fait, parce qu'elle est très mal ventilée, la console. Et du coup, elle peut surchauffer. Et il y a aussi le gros problème sur le lecteur DVD, qui a beaucoup de mal à lire les DVD double couche. Ce qui est le cas, notamment de Smash Bros. Et pour que ça fonctionne bien, parce que moi, au début, je le mettais, il fallait que je le sorte 15 fois pour que ça démarre. Un peu chiant et du coup t'es obligé d'acheter un truc pour nettoyer la lentille pour que ça fonctionne correctement, ce qui est franchement chiant en fait. Tu dépenses bon, c'est pas très cher, mais c'est voilà, c'est un peu relou pour ça, quoi. Très bien. D'accord. C'est sur ces mots plein de bricoles. Allez, vas-y, transition. Plein d'amour. Allez, vas-y. Là, parce que voilà, il parlait de pâte thermique, c'est ça, comme MacGyver. Ouais. Oh là là, il parle de MacGyver, magnifique. Donc c'est sur ces mots plein de sagesse que l'on va terminer donc cette deuxième partie du podcast. Oui. Oui. Je ne pensais pas. Alors je ne pensais pas qu'il aurait duré aussi longtemps pour Au début, on avait dit quoi, 1h30, 2h. Ouais, normal. Et puis on a laissé parler Toon. C'était sans compter sur Toon, voilà. Surtout, on avait dit pas plus de 20 jeux à choisir, quoi. Ouais. Ouais, mais et oui, tu mais t'es Toon rendu a fait compte sa sélection que c'était en même temps. Possible. Et oui, c'est une console qui, voilà, dont j'avais. Il y a plein de surprises. Douté du potentiel. Mais ça, nous le découvrirons dans nous allons en débattre. Troisième partie. Le grand débat, moi, j'ai envie de dire, voilà. Autour de questions, est-ce que la Wii. Est-ce que la Wii. Et oui. Est-ce que la Wii. Dit-on oui à la Wii. Oh là là, allez, bravo. C'est digne d'un chinois, ça, comme jeu de mots. Ah bah, c'est Gallium, hein, je lui ai tout appris. Non, c'est faux. Si. C'est faux. Et Romain, il n'arrive pas à conclure. À cause de vous, là. Attends. Mais la Wii, c'est bien, salut, à plus. Voilà, bonne soirée, bonne journée. À bientôt pour le partie 3. Vous nous écoutez. Voilà, on vous dit à tout bientôt. On mettra les podcasts assez rapidement en ligne. Hein. On les mettra tous les trois dans le même article pour plus de facilité à les retrouver. Alors, si vous avez un après-midi devant vous, si vous avez déjà regardé plusieurs fois Le Seigneur des Anneaux, vous pourrez écouter les podcasts consacrés à la Wii. Donc, nous devons être enculés sur les deux premiers. Oh, je pense qu'on est, on a dépassé les 3 heures, les 5 heures, pardon, facile. Non. Bah, là, étant donné que sur celui-là, on arrive à 2h52. Hein. C'est bien, tu vois, on a du contenu à. On a du contenu. Écoute, à... prévoyez le temps pour visionner la trilogie de Seigneur des Anneaux plus que Hobbit, et je pense que. C'est quand qu'il arrive Gandalf, justement, dans les podcasts. Mais de toute façon, il va y avoir 3 personnes qui vont l'écouter, donc ouais. Tranquille. Dont 3 d'entre eux. Dont 3 animateurs. Dont lequel n'écoutera pas. La maman Chino écoutera quand même. Ouais. Voilà. Voilà, super. C'est sur ça qu'on vous dit à bientôt et qu'on. Bonjour, non. Et qu'on vous dit à bientôt. Tout de suite, parce qu'ils vont enchaîner sur la ouais, partie à 3. Tout de suite, voilà. Tout de suite. Ça, c'est la magie du direct, mon cher. À tout de suite. Du direct en différé. Après la pub. Après la pub. Salut. Et tout de suite, une page Salut de pub. Suite. Look.